Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Ça va messieurs ? Ça va super. Très très bien, on est content d'être là encore, tu vois. 2020, l'année qui commence un peu sur les chapeaux de roue. On est encore là. Nous, on est toujours là et surtout, on n'est pas en retard. On n'a pas été décalé. On sera bien là tous les 15 jours, comme annoncé au départ. On n'a pas. Voilà. Jusqu'au prochain décalage. Oui, jusqu'au prochain décalage. on s'engage sur combien de temps là, auprès des gens, je pense que. Allez, je dirais 5-6 ans. 5-6 ans, facile, fin du game, un vendredi sur deux, nous sommes là. Et si vous nous croyez, eh bien, rejoignez-nous sur Patreon. Non, plus sérieusement, on remercie tous les gens qui nous ont rejoints sur Patreon depuis le début de cette année. Il y a eu un énorme pic d'écoute avec le dernier épisode sur BioShock. Alors bon, on va pas se le cacher, on espérait quand même réunir du monde avec un jeu aussi iconique. Bah, l'équipe Brainstorming Marketing et Happiness Factory avait anticipé, On les salue, on embrasse Elisa, on embrasse aussi José, effectivement, nos trois stagiaires qui bossent donc constamment pour nous trouver vraiment une ligne éditoriale qui permette de fédérer petits et grands, vrais gamers comme casual, voilà, tout le monde se réunit autour de Fin du Game. Ce qu'il faut savoir, vous qui nous écoutez, c'est que ça doit être la 6e ou 7e fois qu'on enregistre cette intro, donc on est fatigué, mais on est quand même très content d'être là, parce que c'est vrai que BioShock, c'était un moment un peu difficile, fait partie des jeux un peu anciens dont on voulait parler, nous c'était sympa, tu vois, de revenir sur un jeu très vieux alors qu'on changeait de décennie. On trouvait que le côté symbolique était rigolo et vous avez été ultra nombreux à nous écouter. On n'a jamais eu autant de gens qui nous écoutaient le jour de la sortie. Ouais, on a explosé complètement le record, mais qui vraiment était avant explosé par The Last of Us. Donc ce qui veut dire que BioShock est mieux que The Last of Us. Voilà, je vous laisse avec ça. Bonne journée. On peut poser le micro. Et puis encore, on voit que l'équipe Fin du Game perçoit un petit peu les vibrations dans l'industrie, tu vois, parce qu'il annonce sur Switch. Oui, c'est vrai. Bah, de toute façon, vous le savez, voilà, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez qu'on a tous les bails, on les connaît tous, on sait ce qui se passe dans les coulisses de l'industrie, on a les vraies sources qui est tout simplement le plan astral qui dépasse au-dessus de l'industrie. Ce qui serait incroyable, tu sais, c'est qu'une fois, là on va faire un épisode sur The Witness, et genre dans 15 jours, ils nous annoncent le nouveau jeu de Jonathan Blow, mais alors là, ça serait vraiment... Ou alors, ça fait déjà un portage 8 ou 9 épisodes. Oui, ça arrive quand même assez régulièrement. On parle d'un jeu et il se passe un truc en corrélation avec ce jeu. C'est pas... Ce serait fou, c'est... Ce sera fou. Ce sera fou. Ah, c'est beau. Ah ouais. Ce sera fou. Vous verrez. Alors, avant de jouer les Nostradamus, on va quand même remercier notre sponsor Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que Rodrigue mais pas que l'actu de Third actuellement, c'est les soldes. Il y a beaucoup de soldes sur une grosse partie de leur catalogue. Alors peut-être pas les derniers bouquins, par exemple celui sur The Witcher écrit par un ami, mais il y a voilà une grosse sélection. Vous avez des moins 50%, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se lancer si vous avez des séries qui vous branchent. Je crois qu'il y a du Final Fantasy, il y a du Resident Evil, il y a le livre sur BioShock qui est également soldé. Donc voilà, si vous voulez aller plonger un petit peu dans cet univers-là, vous pouvez en profiter. C'est le moment. Ah bah là, c'est le bon moment, ouais, effectivement. En attendant de futurs bouquins, on l'avait dit, hein, Sekiro notamment, qui va arriver dans quelques temps. Je suis assez curieux de lire ce qu'ils vont pouvoir en dire, parce que je me dis, tiens, c'est pas un jeu dont on a entendu trop parler, finalement, tu vois, même s'il a été jeu de l'année au VGA, c'est vrai, etc. C'est vrai. Donc toute la partie genèse, un peu les anecdotes, voilà, c'est un truc que je pense que je vais lire à la sortie. Peut-être même qu'au moment où les gens écouteront cet épisode, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura une vidéo sur YouTube, sur Sekiro, sur une certaine chaîne. C'est possible, je ne sais pas. Voilà, je peux l'annoncer ici. Les fameux jeux d'à côté, c'est ça. Effectivement, ouais, c'est un truc avec Door, comme ça, Next Door. Enfin, bref, les mecs ne savent pas nommer leur émission, mais voilà, c'est possible. Encore un nom d'émission anglais. Voilà. Mon dieu. Bon, cette intro n'en finit plus, il faut passer voilà, à autre chose. Effectivement, on va vraiment y passer. Maxime, est-ce que tu t'es posé la question de quelle musique tu allais nous mettre sur The Witness ? Et à ton regard, alors là vous ne le voyez pas, mais là mais il faut qu'on installe une caméra, hein, parce que vraiment, voilà, le regard de Maxime en dit long le désarroi. Sur la dubstep. Skrillex et versus écoute, Jonathan voilà, j'espère Blow. Qu'on est vraiment un petit bangerang de Skrillex et que et voilà, ça va bien nous secouer. Et puis on est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. Thank you. Alors, The Witness qui est sorti donc en janvier 2016, je crois que c'était le 26, mais juste avant d'attaquer la recontextualisation, je voudrais juste rappeler qu'on va spoiler, hein, c'est le principe de l'émission. Alors, on va... L'histoire de The Witness, on va pas trop la spoiler. on va pas trop la spoiler, mais par contre, on va quand même vous révéler un certain nombre de concepts, d'idées qui permettent de résoudre et de comprendre un petit peu le monde de The Witness. Et si vous n'avez pas fait le jeu, ne pas les découvrir par vous-même. C'est pas très grave en soi, hein, mais c'est un comme peu toujours, dommage quand même. Mais c'est un petit peu dommage si vous n'avez jamais vraiment entendu parler du jeu. Alors, bon, c'est compliqué, mais si vous n'en avez pas trop découvert, si vous êtes encore un peu, si c'est pour vous The Witness, c'est un peu une page vierge, lancez-vous dedans, allez voir ce que ça, puis ce que ça donne. Revenez voir dans quelques heures, voilà, ça sera plus simple. Exactement. Vraiment, on évitera les déceptions parce que une partie du plaisir du jeu vient de cette idée de découverte. Hein, on va beaucoup le développer dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc bon, bah si on vous spoil la découverte, on vous spoil le jeu. On l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais voilà, comme d'hab. Si vous n'êtes pas sûr, alors, c'est pas grave, vous pouvez vous arrêter, on ne sera pas fâché. De toute façon, l'écoute est comptée désormais, hein. Ça fait déjà plusieurs minutes. Hein. Non mais blague à part, on s'en fiche, vous pouvez revenir, l'épisode restera valable même dans plusieurs années. Exactement, on est comme ça, on est hors du temps, nous. Non mais tu dis ça à moitié en rigolant, mais en fait c'est important parce que nous, quand on essaye de réfléchir aux épisodes, on fait en sorte qu'ils ne périssent pas trop vite. Tu vois, on n'a pas envie que ça périme trop rapidement, donc on essaye quand même de garder quelque chose. Donc si vous nous écoutez, qu'on est en 2028 et que l'humanité est sur le bord de l'extinction, merci beaucoup. N'oubliez pas le Patreon. Le Patreon, voilà, n'oubliez surtout pas de nous soutenir sur Patreon. On sera peut-être bien content de recevoir le truc. Peut-être c'est ce qui nous permettra de nous acheter du PQ et ou des de l'eau, capsules de Nuka-Cola, voilà, comme dans Fallout. Non mais bon, blague à part, donc, The Witness, c'est un jeu très particulier. C'est pas la suite de Braid, mais pourtant, voilà, les deux sont indissociables à cause de leur créateur, hein, c'est Jonathan Blow, qui est le nom qu'on associe forcément à ces deux jeux. Braid, bah, rappelle-nous un petit peu, c'est sorti quand ça? C'est l'interrogateur. Eh bien, Braid, c'est sorti en 2008. Alors, j'ai pas la date précise, hein, mais ouais, c'est sorti donc. J'ai pas vérifié. C'est sorti pendant l'été 2008 sur le Xbox Live Arcade. Ah oui, ça faisait partie d'époque des Summer Arcade, hein, c'est ça. Hein, donc, je crois qu'on est à peu près là-dedans. C'est vraiment à ce moment-là, je pense, qu'une partie du public, en tout cas des gens qui jouent aux jeux vidéo, ont découvert Blow. Mais par contre, dans l'industrie, il était déjà un petit peu connu parce que bah, le jeu avait déjà obtenu un prix à la IGF en 2006. Et en 2006, pas 2006, à ne pas confondre avec le chien de, le loup de Dark Souls, mais il était déjà aussi connu parce qu'il avait écrit, je crois dans Gamasutra, enfin bref, il avait déjà écrit des articles dans lesquels il prenait déjà un petit peu des positions un petit peu tangentes par rapport à l'industrie, on va dire. Il avait déjà parlé du jeu mobile, il parlait de certaines tendances du jeu AAA. Je me souviens qu'il avait aussi sorti une espèce de saillie sur Zelda, Skyward Sword, leur façon de tout le temps nous assister, notamment dans ce jeu-là où on était un petit peu harcelé par une espèce d'épée qui nous donnait tout le temps les solutions. Enfin, vous pouvez retrouver cette interview. Et puis, il a donné de toute façon beaucoup de conférences. C'est quelque chose qui fait beaucoup, même depuis la sortie de Braid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Braid, c'est vraiment le début, tu sais, de l'ère indé. Ce qui est rigolo, c'est qu'on l'oublie aujourd'hui, c'était il y a qu'une quinzaine d'années, mais c'était vraiment le tout début, hein. C'est ces jeux-là qui ont marqué Fez, etc. Qu'une quinzaine d'années, ouais, c'est tu imagines en fait. Tout ce qui s'est passé depuis le temps. Et donc, quand Braid ou Fez ou ces jeux comme ça, ils arrivent, bah, en fait, ils sont vraiment en train d'explorer des terres inconnues et de nous montrer que des petits jeux, entre guillemets, hein, si on les appelait encore comme ça, qui coûtent 10-15 balles à peine, sont en fait finalement peut-être plus profonds que certains AAA, parce que bah, ils ont une liberté que les AAA n'ont pas. Ça, je pense que vous le connaissez aujourd'hui, le concept du jeu indé. Mais, et du coup, je pense qu'ils étaient un peu dans une espèce de prise de pouvoir, en fait, tous ces créateurs-là, il y avait une espèce de revendication où ils voulaient se démarquer à la fois du marché occidental classique, à la fois du marché japonais qui connaissait une période de creux, on l'a déjà dit, et eux, ils arrivaient au milieu de tout ça avec toute une énergie créatrice et un peu une envie, une ambition de montrer leur savoir-faire. Et bon, bah, des jeux comme Braid, forcément, ça a mis tout le monde d'accord, hein, quand c'est sorti, que ça soit la critique ou même au niveau des ventes, ça a très bien fonctionné. Surtout que, bon, Blow, c'est quand même pas un newcomer, hein, c'est pas un petit rookie à ce moment-là où Braid sort, parce que c'est quand même un vétéran de l'industrie et ça fait quand même un moment qui roule sa bosse. Il est passé par quoi? Il est passé par Iron Storm Ouais, il était consultant sur Deus Ex, du coup, hein, il a bossé sur Deus Ex 2, sur un des Thiefs, je sais plus exactement le 3. Lequel, le 3. Et un petit peu sur Journey, il avait dit un petit... Non, sur Flow. Oui, Flow, pardon. Ouais, il a fait des petites lignes de code dans Flow. Des petits trucs. Alors, il le dit, parce qu'en fait, ça, c'est une citation qu'on a pris du documentaire de Noclip, hein, qu'on salue comme d'habitude, parce que bah, ça nous sert aussi de base pour pas mal d'infos. où il explique qu'en gros il a fait quelques petits trucs sur la gestion des particules. Pourquoi? Bah parce que la Play 3 c'était une saloperie son nom à coder. Je veux dire, c'est une notoriété. Ça c'est dit, voilà. Voilà. Ça c'est envoyé. Mais si, non, non, mais le processeur oui, Cell, c'était l'architecture de la PlayStation 3 était compliqué à gérer. Un gros problème pour tout un tas de studios à l'époque. Et du coup, ben voilà, lui il avait quand même une certaine bouteille. Il connaissait le concept de ces processeurs-là parce qu'il avait déjà bossé sur des simulations, notamment une espèce de simulation bizarre avec de la physique en ligne. Enfin, il avait déjà bossé sur des architectures un peu similaires. Du coup, bah, il était capable de porter des jeux sur Play 3, ou en tout cas, il connaissait les contraintes techniques de la Play 3. Parce c'est que un programmeur de boss. Ouais, voilà, c'est un techos. C'est vraiment un codeur, programmeur à la base, avant d'être game designer, même si ça a quand même toujours fait partie de ses ambitions, puisque bah il a quand même pas mal papillonné, hein, il est jamais trop resté dans des studios, ouais, il a jamais vraiment dit, été satisfait de ça, et voilà, Braid c'est vraiment bah l'éclosion de cette ambition là d'être créateur, game designer, concepteur. Braid, on l'a dit, qui connaît un succès assez incroyable. Il y a aussi dans le parcours, enfin dans la figure qu'est Blow aujourd'hui, il y a aussi quand même Indie Game The Movie qui est quand même important à prendre en compte. C'est un film, hein, donc c'était un reportage sur la création un docu, ouais, oui, sur qui met en avant trois jeux et surtout du coup leur créateur. On a Super Meat Boy avec Macmillan ou Macmullen, je Macmillan, mais c'est Macmillan Edmund et Macmillan. C'est Edmund Macmillan, c'est pour ça que voilà, c'est toujours. Et son comparse qu'on appelle Roger amicalement entre nous, parce qu'on a oublié son nom, c'est ça. Et puis on a Fez avec Phil Fish, et il y a aussi un autre gars avec qui il était, et puis c'est une affaire qui a été mise en avant aussi dans le docu, mais on n'a pas besoin d'en parler ici. Ah bah là l'histoire de Fez c'est compliqué, ouais, c'est le jour où on va parler dans fin du game de Fez, on va rigoler sur les feux de l'amour, les feux du code. Et il y a aussi Braid du coup avec Johan Tanblow, et ce docu met effectivement beaucoup en avant les gens en fait qui sont derrière, parce que comme tu le disais, il y a vraiment cette émergence de la scène indé, et là c'est beaucoup plus simple d'identifier vraiment des personnes derrière qui vont pouvoir nous parler un petit peu de leur vie, de leur inspiration. Ouais. Et puis surtout Blow qui va profiter un peu de cette lumière justement pour continuer à avancer toutes les idées, toutes ces visions qu'il a du jeu vidéo. On le disait, c'est un peu un penseur un peu du jeu vidéo. Il se positionne un petit peu comme ça. Il est à la fois game designer, mais il a toutes ses activités comme ça de conférencier, de faire des vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un qui communique beaucoup. Alors, fun fact, sur sa chaîne vidéo et sur sa chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos de motivation où il donne des techniques. Qu'est-ce que tu fais quand tu as plus d'idées? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux éviter aider, de procrastiner, des trucs comme ça. Du coup, on disait un peu le mot gourou entre nous. Hein. On a eu, c'était assez rigolo. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais en tout cas, le fait que voilà, c'est quelqu'un qui crée des jeux, mais qui parle aussi du jeu vidéo au sens large, et dans l'industrie, c'est une des voix qui apporte, on va dire, du grain à moudre à de nombreux débats, en fait, et je pense que c'est important qu'on ait des figures comme ça, et lui, il a vraiment pris cette place-là, et Braid l'a vraiment encore plus propulsé, et puis ça va continuer jusqu'à même la sortie de The Witness, quoi. Et alors pour Braid, il était vraiment tout seul, il était juste accompagné d'un mec qui l'a aidé sur la partie esthétique, également pour toute la musique, qui est très sympathique dans Braid. Mais par contre, pour The Witness, il a vraiment fondé un studio dans lequel il a réinvesti toutes ses économies. Alors c'est pas des économies, c'est plutôt des bénéfices, puisqu'il a investi... C'était quand même 4 millions de dollars. 4 millions de... Le jour où il y a 4 millions sur mon livret A, je te dis... Personnellement, je ne parlerai plus dans cette émission. Bon, si, quand même, la passion. Hein, la passion, n'oublions pas. N'oublions pas, évidemment, la passion. Non, mais voilà, 4 millions de dollars qui ont été totalement réinvestis dans son studio pour faire maintenir le fond de roulement du développement du jeu. Ça n'a pas été suffisant. Il a dû contracter quand même un emprunt pour faire vivre toute cette équipe, parce qu'il s'est quand même bien entouré. Il s'est entouré à la fois de programmeurs, des gens qui vont l'aider quand même sur cette partie, la conception évidemment, mais une grosse partie d'artistes et d'architectes. Il y a toute une équipe d'architectes qui est venue consulter sur le jeu, notamment vraiment sur la deuxième partie du développement, parce que on va dire que le jeu, il a vraiment connu deux grandes phases étapes, on va dire, dans sa conception. T'as une première partie qui est après Braid jusqu'à 2012-2013, où c'est vraiment la création des énigmes, enfin vraiment tous les puzzles dont on va parler. Et la deuxième grosse partie du polish, en fait, de toute la façonner toute l'île dans ce qu'elle est esthétiquement et structurellement. Et ça a pris beaucoup de temps. Tu sens qu'il y a eu la réalisation, il dit bon, c'est bon, les puzzles sont faits, mais l'île est dégueulasse, quoi. Il est temps de faire quelque chose que tu vois un peu les images. C'est donc Luis Antonio qui a été directeur artistique sur le jeu. Lui, il est arrivé en 2012 et il l'a dit texto, voilà, le jeu était immonde en arrivant dessus, et vraiment, ils avaient besoin de valoriser finalement tous ces puzzles qui étaient extrêmement austères comme ça de base. Il y avait besoin de donner vraiment une patte esthétique forte au jeu, et ça Blo il en était tout à fait conscient en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours dit, même à l'époque de Braid, il disait qu'il avait besoin de beaux graphismes pour attirer des gens à ses jeux, parce que même si c'est des puzzles, il faut donner envie d'y jouer. Et puis même au-delà des beaux graphismes, il y a aussi, on va y revenir plus tard, mais il y a une cohérence, tu vois, ouais, entre le level design, les environnements et les puzzles et ce que veut nous faire vivre Blo, tu vois, il y a ces pensées, tu vois, il y a une clarté aussi qui est demandée, donc il y a eu besoin vraiment de tout ce boulot aussi. Moi j'aime bien cette lucidité, parce que j'ai l'impression qu'il savait qu'il pourrait peut-être pas, enfin il pourrait pas faire ça tout seul, il avait besoin de d'autres savoirs, et le fait qu'il ait fait venir une équipe d'architectes qui ne sont pas du jeu vidéo, hein, c'est vraiment il y a un article super intéressant de la lead en fait, de la chef de l'équipe architecte d'architecture, alors j'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais qui explique tout ce qu'ils ont pu apporter en fait, tout ce qu'ils ont pu ramener de leur bagage d'architecte dans la conception de jeu et qu'a apporté à Lille, quoi. Et pour l'anecdote, j'avais vu, bah, je pense que c'est Luis Antonio qui avait mentionné le fait qu'ils avaient reçu des documents du coup des architectes qui étaient juste pas du tout applicables en fait dans le monde du jeu vidéo, enfin il y avait beaucoup trop de détails ou des choses qui juste n'étaient pas nécessaires, donc c'était intéressant de voir un petit peu cette fusion des deux mondes. Ouais, il y a aussi une conférence d'ailleurs de lui là, de Luis Antonio, hein, qui est intéressante sur toute la direction artistique, d'ailleurs peut-être qu'on y fera référence au cours de l'épisode. Luis Antonio, vous pouvez noter son nom parce qu'aujourd'hui il est director sur le jeu 12 Minutes qui sortira chez Annapurna. Nos copains d'Annapurna. Donc 12 Minutes, hein, c'est, vous avez peut-être vu ça, ce trailer, hein, pendant le 3, c'est une pièce vue du dessus et ça va boucler comme ça, on sait pas trop ce qui va se passer, mais il y a une histoire de meurtre, un truc comme ça. Bref, retenez ce nom parce que c'est possible qu'on en parlera peut-être en, je sais pas, 2022. Un jeu qui, je crois, était prévu pour 2016 ou 2018, enfin qui a aussi... comme quoi, voilà. Ouais, voilà, hein, ouais, non, mais les retards, c'est la mode en ce moment, hein, c'est un peu la mode. Peut-être qu'avec The Witness, il a pris ses aises, tu vois. je plaisante. The Witness, donc, qui a connu une longue phase de gestation, mais il est sorti en 2016, et à sa sortie, plus que du jeu, on a surtout parlé de son prix, puisqu'il était pricé à 40$, 37€ dans nos contrées, et ça avait pas mal fait jaser à l'époque. Ah bah, c'était même un scandale, hein. Il y a eu, tout simplement. Alors un scandale, The évidemment, à l'échelle bien sûr, de Twitter. Des réseaux sociaux, donc, évidemment. Évidemment, tout le monde faisait pipi dans un gigantesque violon, mais le fait est que ça avait surpris pas mal de monde. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois, et ça c'est vrai que c'est assez rigolo de le rappeler, parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez accepté, qu'un jeu ouvertement indépendant, financé à 100% par ses propres créateurs, était mis à un prix aussi élevé. C'est-à-dire qu'avant il y avait une espèce de limite psychologique au-delà des 19,99 ou 24,99 que personne n'osait franchir, qui était une sorte de terrain incognita, tu vois. Et lui il a réussi à franchir le mur du pognon et a demandé presque 40 balles pour son jeu. Alors c'était extrêmement pragmatique, hein, de son côté, quand ils l'ont expliqué, bah on a mis tant de temps à le développer, ça nous a coûté tant, on a tant de salaire, il faut qu'on en vende tant pour qu'on revienne dans nos frais, donc on le vend à tant. Oui, voilà, c'était des mathématiques bêtes et méchantes. Le seuil de rentabilité à tel prix, enfin voilà, avec le volume qu'on espère vendre, bon, même si ils l'ont évidemment dépassé par la suite, mais voilà, c'est des calculs. C'est toujours difficile de te projeter, hein, surtout que à l'époque c'est vraiment considéré comme un jeu de niche, tu vois, c'est le jeu puzzle indé. Ouais, c'est mieux de le vendre à 40$, puisque tu dis que les gens qui sont un petit peu dans ce délire-là, ils sont prêts à payer un petit peu plus, et il faut, de toute façon, il faut en vendre, quoi. Et puis bon, il y avait quand même le fait qu'il y ait pas la marque Blo, mais quand même un petit peu le fait qu'il soit installé, que son nom soit déjà associé à Braid, ça permet quand même de donner une certaine plus-value à ce jeu-là. Ouais, il avait déjà une assise. Alors il y avait des trailers qui passaient essentiellement chez Sony, c'est assez rigolo parce que c'était Sony qui mettait beaucoup en avant avec la Play 4, lors des différentes conférences, etc. Ils avaient tendance à avoir un petit trailer de The Witness qui traînait à un moment donné, avec vraiment quelque chose de très étrange, puisque bah, The Witness, tu peux pas montrer grand chose dans un trailer sans tout spoiler, mais on voyait, voilà, des beaux décors, des belles couleurs, des choses assez intéressantes au niveau esthétique, mais bah, Sony a un peu contribué à tout ça, et ce qui est assez marrant, c'est que, tu vois, il y a un côté serpent qui se mange la queue, c'est-à-dire que bah, le jeu était assez cher pour mettre en avant le fait que c'était un jeu avec un peu d'ambition, et donc ça correspond à l'idée que Blo, bah, c'est un type un peu comme ça, pas qui se la raconte, mais qui sait qu'il a une place particulière dans le jeu vidéo, donc tu vois, t'as une espèce de boucle temporelle qui se crée, où le fait que le jeu soit assez cher, c'est finalement assez cohérent avec le truc, et surtout c'est à la hauteur des ambitions, parce que une fois qu'on a joué au jeu, on se rend compte que c'était pas juste un jeu de puzzle, il y a quand même un travail assez incroyable derrière au niveau, bah, du coup, rien que de la partie visuelle, on en reparlera, mais c'est un jeu avec énormément d'ambition. Et puis, bah, comme tu le disais, c'est toujours bien de le rappeler, mais c'est vraiment, c'est un jeu, tu vois, 100% indé, on a parlé de 8 ans de développement avec une dizaine de personnes, donc même au-delà du fait que ça a coûté cher, c'est aussi vraiment un des jeux indé qui a cette comment dire, cette taille, en fait, tout simplement. Ouais, vraiment le scope, de... l'ambition, vraiment, l'amplitude du projet. En 2016, hein, c'est-à-dire oui, on a d'autres 2016, jeux indépendants qui ont des ambitions énormes. On va penser à Shenmue, des trucs comme ça, qui sont partis de très loin en termes de budget. Non, mais bon, évidemment, ça te fait marrer. Mais ce que je veux dire, c'est que des jeux indépendants qui dépassent les millions de dollars, aujourd'hui, c'est plus si surprenant que ça. À l'époque, on était déjà sur une classe à part. Ils jouaient vraiment dans leur cours à eux, avec des jeux qui coûtaient quasiment 10 millions. C'est le budget, à titre de comparaison, d'un jeu AA qui sortirait, je sais pas moi, n'importe quel éditeur, tu vois, Ubisoft, leur moindre jeu c'est minimum 40-50 millions. Ah oui. Donc, mais on pourrait par exemple comparer, je sais qu'avec Control, je crois que oui, voilà, c'est 15 millions, 15 ou 20 millions, j'ai plus les chiffres exactement, mais bon. Mais voilà, on est plus dans, disons que c'est le jeu indé qui se rapprochait le plus de la sphère vraiment double A qui allait quand même titiller en termes de budget. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, ils cassaient cette idée-là des joueurs qui, des développeurs de jeux vidéo dans leur garage, etc. Alors qu'il avait été consacré en quelque sorte avec Indie Games Movie, et là, quelques années plus tard, avec le prix de The Witness, ils cassaient cette idée de, en fait, on n'est pas juste dans notre garage, on est des gens avec simplement des idées différentes, on a des ambitions qui peuvent être aussi grosses que les vôtres, mesdames et messieurs des gros studios, et on va demander le prix qu'il faut parce qu'on a fait un jeu qu'on voit du steak. Qu'on voit du steak. Oui. Ah bah c'était la réunion, le dernier brainstorming de l'équipe marketing de Tecla, hein, qui est le studio derrière The Witness. Verbatim. Vous envoyez ça, c'est le RP, il nous a dit vous envoyez et ça envoie du steak. T'imagines le trailer PS4, c'est The Witness. T'as le truc hyper paisible et après ça envoie du steak. Micro parenthèse. Dans quelques années, tu verras quand tu auras des tweetos qui seront simplement cités dans les trailers, comme pour les films, tu sais, dans le métro, avec des citations, il y aura écrit ça envoie du steak, exerve, et ça aura juste le truc, c'est ouf. 3 points d'exclamation. Et voilà. On va y arriver. Mais alors d'habitude, à partir de ce moment-là de l'émission, on revient sur l'histoire, on déroule l'histoire du jeu. Ce ne sera pas le cas. cette fois-ci, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans The Witness. En tout cas, il n'y a pas de scénario, d'histoire au sens vraiment premier du terme. Il n'y a pas grand-chose qui a été écrit pour le jeu. Il raconte énormément de choses, mais par contre, à nous, il nous raconte pas grand-chose. Il nous dit rien, globalement. Il fait naître des choses, il fait naître des idées, des trucs comme ça, mais voilà, il n'y a pas un déroulé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris autant de temps pour parler de Blow, du contexte et tout. On s'est dit, c'est bien, on a un créneau de libre, on va pouvoir être dans notre créneau de 90 minutes, comme d'habitude. Oui, parce que on démarre donc sur cette île, on sort de cette espèce de tunnel comme ça, on ouvre une première porte avec l'espèce de petit puzzle, on trace un trait, la porte s'ouvre, et ensuite on démarre vraiment sur une espèce de petite zone de tuto qui va nous apprendre à faire ce qu'on va faire pendant tout le long du jeu, c'est-à-dire tracer des lignes sur des foutus panneaux, et c'est ce qu'on va faire tout au long du jeu, et on peut le dire, de toute façon, à la fin, il n'y aura pas de réponse, il n'y a pas un moment où on va arriver à une espèce de vérité, où il y a une petite tête de Blow qui arrive en hologramme et qui nous donne, alors voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est, on t'a mis là, c'est The Truman Show, non, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. C'est la différence entre les jeux de Peter Molineux et les jeux de Jonathan Blow, il n'y a pas Jonathan Blow à la fin du cube. Non, vraiment, mais je pense que moi, en me lançant dans le jeu, il y a quand même beaucoup de... T'as envie, justement, d'avoir ça. Et au fur et à mesure que t'avances, t'as envie quand même de trouver cette petite réponse. T'as le moment, tu sais, où tu vas trouver... je me souviens, quand tu finis le passage sur les arbres avec les pommes, là, tu vois un espèce de petit atelier, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a écrit, t'as eu l'impression qu'il y a une espèce de présence quand même sur cette île. Et du coup, ça peut te suggérer quand même que tu vas avoir un peu du lore comme ça, des trucs qui sont passés, et que de fil en aiguille, tu vas pouvoir quand même retracer une histoire. Ce ne sera pas du tout le cas. Alors effectivement, il veut pas nous raconter une histoire avec The Witness. Par contre, il veut nous faire vivre alors cette idée d'épiphanie, de découverte dont on avait déjà parlé. Alors on va parler de Zelda Breath of the Wild, mais à une échelle plus petite. C'était un peu cette idée-là qui soutenait un petit peu le projet Zelda. Mais là, dans The Witness, c'est vraiment l'idée maîtresse, c'est l'idée de nous dire, en fait, alors je vais revenir un petit peu en arrière sur la genèse du jeu, puisqu'il nous a expliqué que cette idée venait d'avant Braid. En fait, il a eu une idée à une époque d'un jeu où il fallait faire des tracés à l'écran pour faire des sortilèges, qui était repris d'ailleurs dans Arx Fatalis, dont on a déjà parlé, qui est un jeu d'Arkane Studio qu'on salue. Et donc cette idée, c'était, lui, il voulait aller plus loin en disant que vraiment le dessin devait vraiment déterminer les paramètres, la puissance, le nombre de boules de feu que tu lançais. Il est parti dans un gros délire comme ça, dans un petit projet à lui avant Braid. Et ce qu'il a eu comme idée, c'est que il voulait que le tracé se cache dans le décor. Et qu'une fois que tu as terminé les donjons et que tu arrives en haut d'une grande montagne, tu te retournes et quand tu vois tout le chemin parcouru, tu vois déjà un petit truc un peu symbolique là-dedans, tu voyais le tracé de ce que tu avais fait et ce tracé était en réalité la forme d'un pouvoir ultra puissant que tu aurais pu utiliser. Et en fait, c'est cette idée-là qu'il a eue et qu'il a gardée pendant des années et qui a donné finalement naissance à The Witness. Ouais, c'est ça l'idée, c'était vraiment que tu as donc ces formes qui te sont données vraiment de façon un petit peu texto par le jeu, mais que dans l'environnement caché, t'as vraiment, tu vas discerner des nouvelles, en fait, de nouvelles formules qui sont optionnelles, mais du coup, ça va être ça, en fait, c'est ce petit moment, justement, comme tu dis, en haut de la montagne, ce petit moment d'épiphanie, tu te dis, ah, mais et tu réalises vraiment qu'il y a quelque chose, et c'est ça qui veut en fait, faire, ce qui est important vraiment à retenir, je pense, c'est l'idée, c'est cette, ce paysage d'être en haut de la montagne, le moment où tu étais en haut de la montagne, et tu y retrouvais, en fait, dans le décor, avec un tracé d'une rivière, tu trouvais la forme d'un sort que tu avais appris à faire tout au long du jeu. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose de central et qui va garder au fond de sa tête et qui fera naître The Witness. D'ailleurs, contre, on va retrouver ce même moment, oui, dans The exactement, Witness. Exactement, on va le retrouver quand on est tout en haut de la montagne. Mais son souci à Jonathan Blow, c'est de dire, ok, mais comment j'emmène les gens à penser en faisant des traits, c'est-à-dire en arrivant à leur mettre dans une espèce d'état d'esprit pour qu'ils reconnaissent des formes comme celle-ci. Alors, ce sera pas des sorts, ce sera des lignes de puzzle, et ce sera les fameuses lignes, donc, des puzzles de tous les panneaux qui peuplent l'île qu'on va parcourir. On a plus parcourir. De 500, c'est ça, le nombre de puzzles dans l'île. C'est ce qui est annoncé sur la page Steam. Donc, il y a des centaines et des centaines de puzzles à résoudre. Et c'est assez rigolo d'expliquer ça comme ça, parce qu'il avait son idée maîtresse, qui est de, bah, je veux faire tracer des lignes aux gens, et je veux que les gens finissent par voir ces tracés dans le décor, et par contre, je suis emmerdé, je sais pas comment leur faire ces tracés-là. C'est comment donc, les amener à ça. Il a trouvé un MacGuffin assez naze à base de il y aura des panneaux et tu vas devoir faire ça. Tu vas tracer des lignes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils sont allés plus loin dans l'idée parce que ces tracés-là remplacent tous les objets du jeu. Il n'y a pas de levier, ils le disaient, à un moment il y avait des leviers, il y avait des boutons pressoirs, des choses comme ça. Ils ont tout remplacé pour pas qu'on soit, comment on dit, vous savez, perdu, ou confus, ou qu'on soit un petit peu embêté par d'autres idées qui pourraient nous brouiller l'esprit. On a toujours ce fameux putain de symbole avec un rond et un trait. C'est ça. En fait, cette notion de clarté dans les puzzles, c'est aussi une réponse aux anciens jeux d'aventure, puisqu'ils s'inspirent en fait des anciens jeux d'aventure typiquement Myst, donc soit la première personne. Et puis c'est pour ça qu'il y a une île aussi, c'est vraiment dans cette optique là. Mais un des soucis qu'il y avait avec ces jeux là, c'est que parfois t'interagissais avec des objets où tu voyais des éléments du décor et tu ne savais pas en fait si c'était un puzzle, si ça en faisait partie ou pas. Donc un des piliers qu'il a décidé de mettre pour faire revenir finalement ce genre un petit peu sur le devant de la scène, parce que c'est un genre qui est mort, hein, ce genre de jeu, et il a décidé de faire des puzzles vraiment clairs. Oui, il n'y a pas de pixel hunting, hein, c'est vraiment ça la chose qu'il voulait absolument éviter avec The Witness. Là, vraiment, les points d'interaction dans le jeu, a priori, elles ne sont que sur les fameux panneaux. Alors, c'est quand même vraiment intéressant quand même ce qu'ils ont fait avec ces panneaux, parce que c'est pas simplement un truc qu'on va tracer des lignes et bim bam boum. Ils ont vraiment itéré énormément sur cette idée. Il y a donc la fameuse zone de tuto où on va juste tracer des lignes et tout ce qui... La seule chose que ça nous apprend, en fait, c'est que quand on arrive au bout du puzzle, ça active un câble et ça active le prochain puzzle, hein, c'est vraiment la boucle de base du jeu. Et puis, une fois qu'on sort de cette petite zone de tuto, on ouvre une porte, on va continuer notre chemin, et là, on va tomber sur, logiquement, si on regarde vraiment sur notre gauche, on va tomber sur un puzzle qui est complètement irréalisable, parce qu'il y a des règles à l'intérieur qu'on ne connaît pas, parce qu'il ne s'agit donc pas simplement de tracer des lignes. Dans tous les différents quadrillages qu'on va rencontrer dans le jeu, il va y avoir différents symboles ou différentes problématiques liées à l'environnement qui vont donner les conditions à remplir dans notre traçage de ligne, en fait. Et les deux autres tutos, en fait, du jeu vont nous apprendre ça. T'as le tuto avec les points noirs et les points blancs qu'il faut séparer. Ouais. Et voilà, la ligne doit les séparer. Et t'as aussi l'autre tuto qui t'explique que quand il y a des petits points noirs sur le tracé, il faut que tu les recouvres, donc il faut que ton chemin en une fois les recouvre, quoi. Et ce fameux panneau dont tu parles qui est irréalisable, c'est un qui combine les deux, tu as à la fois des points et des carrés de couleurs à séparer, et en plus il est très grand, enfin il est beaucoup plus grand que les autres, et puis t'as plusieurs points d'entrée, enfin bref, voilà, t'arrives dessus, t'es obligé, et ça en fait c'est hyper important. C'est aussi en fait une forme de tuto, dans le sens où c'est le jeu qui va te faire comprendre que être bloqué, c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Et Sablo le dit dans une conf que l'épiphanie en fait demande de l'espace, ça demande de pouvoir se balader, de pouvoir penser à autre chose, de faire autre chose, pour que le moment en fait où t'atteignes, en fait le moment où tu dis « Ah, j'ai peut-être la solution », il te frappe du coup. Être bloqué, ça fait partie de l'expérience du jeu. Oui, c'est vraiment ce qu'on t'apprend dans les premières minutes, même si en tant que joueur, joueuse, tu vas pas forcément le prendre comme parce que tu peux très bien tomber devant ce puzzle et te dire « Je suis supposé faire quoi ?» Ça peut être un moment de frustration et pas un moment de tutoriel en disant « Ah, qu'il est malin ce bleu !» Et ce qui est malin, c'est que par contre, c'est que comme... En gros, là, t'as que deux options face à ça. C'est-à-dire, tu arrêtes le jeu, tu le désinstalles et tu changes de métier, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que tu as le choix de quitter le jeu et d'arrêter en te disant, fuck it, il y a un problème, il y a quelque chose qui manque entre les deux options. Et sur Steam, tu mets non recommandé. Voilà, non recommandé et tu t'énerves. Mais l'autre option, c'est simplement de se dire bon bah je peux pas le faire, oui, je reviens voilà, plus tard. Ça. Et en fait, à partir de là, bah, le jeu a déjà gagné. C'est-à-dire que le jeu a anticipé que t'allais réagir comme ça et il a réuni les conditions pour que tu n'aies pas le choix. C'est ça qui est très intéressant dans sa manière de créer à la fois le level design et le game design de son jeu, c'est que quand il veut que tu aies une réaction, il va supprimer, il va couper comme les branches, tu sais, d'un arbre. Il va faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul chemin possible et que tu ne puisses pas te planter. Et c'est d'ailleurs c'est dans la même veine de cette idée de on va pas mettre des leviers ou des boutons, on va juste mettre des traits et des petits cercles à relier pour qu'on soit sûr de ne jamais être gêné par ça. Et juste à côté de encore ce fameux panneau, tu as le premier panneau, je crois que c'est ceux de couleur. En fait, techniquement, t'en as deux, si je dis pas de bêtises. Si tu vas vers ta droite après ce grand panneau, t'as directement les panneaux avec les cases blanches et noires qu'il faut séparer. Mmh. Et là, c'est très simple, c'est le puzzle qui est vraiment, t'as 2-3 solutions possibles en tout. Et ça, ensuite, t'as le tuto en fait qui est vraiment fait graduellement où tu vas apprendre la règle. Et c'est pour dire que c'est juste à côté de ce panneau-là et tu commences à dire tu peux commencer à faire un premier lien. Oui, en fait, avec si le t'as observé un petit peu ce panneau difficile, tu dis bon ok, je comprends pas. Et après, tu dis si tu y fais un petit peu attention, tu vas voir qu'il y a des points blancs, des machins, et tu vas tout de suite les retrouver juste après. D'ailleurs, normalement, une fois que tu as les deux règles, que tu les as intériorisées et que tu as fini les deux sections de tuto, tu peux revenir à ce truc et tu peux le résoudre ouais, voilà, sans tu problème. Tu connais les règles. Est-ce que t'es capable? Est-ce que t'as la flexibilité d'esprit pour y arriver tout de suite? C'est pas sûr. Voilà, parce qu'il est quand même assez complexe. Mais voilà, au pire, c'est pas grave. Il suffit de revenir encore plus tard. Et surtout que, comme tu le dis, Maxime, c'est un jeu qui va favoriser la balade. Et de toute façon, l'île est complètement ouverte. Tu peux aller vraiment à plein d'endroits différents à partir de ce point-là. Alors évidemment, il y a cette espèce de verger magnifique rose qui t'appelle quand même du regard. Mais tu peux aller à plein d'endroits dès le début du jeu. Tu peux aller visiter l'espèce de petit village avec les ruines au milieu où là, tu vas voir des symboles avec des soleils, des lunes, des étoiles mauves, des étoiles vertes, oui, enfin, des trucs. Oui, il y a le village central. Là, tu commences à te dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Oui, c'est vrai que le village central, si tu vas directement dedans, en fait, c'est la zone, paradoxalement, elle est centrale, mais c'est la plus compliquée parce qu'elle combine toutes les règles aux alentours. Donc, disons que si t'as vu la porte, t'as dit j'ai pas trop compris. Ensuite, tu continues à te balader, tu tombes au village, tu fais ok, des installations, bad review. mais voilà, en tout cas, le jeu te pousse à l'exploration et l'idée de base, c'est assez rigolo, mais on a tous eu des moments dans notre vie où tu vois, on a un mot sur le bout de la langue, comme on dit, et tu penses à autre chose, tu vas faire une autre activité, tu as arrêté de penser à ce truc-là, et pouf, c'est à ce moment-là où tu y repenses. Et en fait, l'île a été pensée pour créer les conditions idéales pour qu'on se retrouve dans cette situation-là. C'est cette idée-là hein, de découverte et d'épiphanie en disant ah, mais putain, c'est vrai, tu vois, genre ah, je me souviens, j'ai vu le truc, ça y est, j'ai compris. Et après, le reste, c'est bah, en fait des boucles. Chaque zone a des règles, et les règles vont être expliquées très simplement. Hein. La première fois, tu vois un carré blanc, un carré noir, c'est énorme, tu as juste un trait à tracer, tu vois, je les ai séparés. Et là, en gros, le jeu te dit, hey, t'as compris. Bah en fait, c'est vraiment intéressant comme il enseigne chacune de ces règles. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as toujours le premier panneau qui est, tu peux pas te tromper parce qu'en général, il n'y a qu'une seule option, voire deux, trois, mais oui, voilà, voilà. Logiquement, quand tu vois le carré blanc, le carré noir, bon, c'est les deux trucs les plus opposés du monde, le blanc et le noir, donc tu as envie de les séparer, ça semble assez logique. Et puis après, bah, il te fait faire un petit exercice. Ensuite, il te fait un contrôle dessus, vraiment, il complexifie un peu le truc. Il faut vraiment que tu aies bien compris la règle, sinon ça ne passe pas. Et puis après, voilà, t'as compris la règle. Mais c'est ça qui est important, c'est cette notion de compréhension de la règle et qui vérifie que t'as bien compris. Parce que tu peux quand même te réussir en n'ayant pas compris au début, puisque si t'as que 2-3 possibilités, ça peut être juste du hasard. Voilà. Et il va l'échanger un petit peu. Parce qu'il va peut-être se dire, admettons, si tu les avais séparés en passant par milieu, tu peux faire une interprétation de si là, il faut toujours que je passe au milieu. Oui, voilà, exactement. Voilà, exactement. Ce qui serait complètement que faux. Que je coupe le voilà. Nombre de cases en voilà, deux. Ouais, ou mais truc l'hypothèse ça. Serait pas fausse. Tu voilà, vois, c'est ça. Parce à que ce moment-là, elle serait pas voilà, fausse. Voilà, à ce moment-là, elle serait pas fausse. Mais ensuite, il va justement te mettre une configuration qui fait que si tu avais une mauvaise hypothèse, bah, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que de toute façon, il ne reste plus que cette hypothèse qui puisse te valider le truc. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que souvent, tu as des puzzles qui sont alignés. Et tu peux du coup revenir très rapidement au puzzle que tu as réussi. Tu as ton historique en fait de réussite et ça te permet d'observer, de dire pourquoi ça marche là et ça marche pas là. Tu vois, il te laisse quand même un petit peu regarder. Après, tu en as beaucoup qui sont quand même un petit peu plus éparpillés. Mais t'as toujours un lien, c'est-à-dire que t'es jamais trop perdu dans quel ordre il faut les faire, parce que t'as ces fameux fils de lumière qui vont relier. Ça, c'est vraiment le fait d'activer. C'est un fil d'Ariane littéral. Bah, clairement, des boucles, hein. Il te l'explique dès le tuto. Tu comprends très bien que ce fil il s'éclaire d'une lumière verte pétante et tu te dis bon, bah il y a du jus, il y a du courant qui passe dans l'un et ça permet d'activer les uns à la suite des autres. Donc t'es jamais trop perdu, mais par contre, c'est vrai que tu peux toujours revenir un peu en arrière pour regarder ce que t'as réussi et te demander pourquoi j'ai réussi. Alors, il a différentes façons, en fait, de créer ces puzzles. On a réussi à réunir un peu trois catégories. Il y a la catégorie séparée, donc où il faut séparer des éléments qui sont sur les tableaux. Alors, c'est souvent, donc il y a les carrés noirs, les carrés blancs, il y a aussi les carrés de couleurs, hein, séparer les différentes couleurs, s'il y a du rose, du machin, il faut les mettre ensemble et les séparer. Il y a le fait de réunir des objets, ça c'est vraiment la zone avec les petites pièces de Tetris qui illustrent très bien ce truc-là, où il faut faire des formes, en fait, il faut reproduire les formes des pièces. Et ça marche aussi, ça se mélange avec le côté séparé dans la zone un peu que j'appelle l'acrobranche, là, où t'es dans des espèces d'arbres, tu sais, il y a des petites cabanes dans les arbres, et là, en fait, faut à la fois séparer les couleurs et réunir ensemble absolument faut les réunir par deux, je crois, les petites étoiles, c'est des petits hexagones. Ouais, je sais plus, les règles, je les ai oubliées, il y en a certaines. Moi, je les ai pas fait. C'est vrai que Maxime n'a pas fait. The Witness, bon, on en parlera un petit peu. Oui, on en parlera après, mais voilà, t'as pas fait forcément tout le truc. Et puis, il y a tous ceux, en fait, qui sont liés à l'environnement, parce que l'environnement de The Witness a aussi une importance, va avoir une incidence sur les tracés que tu vas avoir à faire dans le jeu. T'as toute une partie où c'est des espèces de branchages. Alors, soit tu vas devoir reproduire la forme des branches sur le tableau, ou alors tu vas devoir éviter les branchages qui vont dépasser un petit peu sur le puzzle. T'as ceux où il faut essayer de, tu sais, tu dois te, dans une espèce de monastère, là, faut se mettre par rapport à des perspectives, et tu sais, ça va créer des formes, et tu vas devoir précisément cette forme. T'as le truc avec les pommiers, où là, en fait, t'as une pomme, hein, c'est un des premiers que tu vas croiser, hein, t'as le verger, et tu vas avoir, en fait, des formes qui ressemblent, à s'y méprendre, aux formes des arbres, enfin, de la canopée. Voilà, le mot vient de me revenir à l'instant, et du coup, tu dois simplement aller là où il y a la pomme qui est tracée. À un moment, il n'y a plus de pomme, t'es perdu. Mais voilà, il y a tout un tas de trucs. Il y a des moments où c'est la lumière, des fois, ça va être une ombre qui va être projetée, des fois, ça va être. Il y a le son, il y a des trucs de couleur, il y a des trucs les pserres, là, où il y a différents filtres qui font qu'à un moment, t'es dans une salle bleue, puis une salle rouge, puis une salle jaune, enfin, je sais plus l'ordre. Mais voilà, à chaque fois, il y a une nouvelle règle et chaque lieu a un peu sa règle. Oui, c'est ça, vraiment. Tu vas comprendre. Chaque zone a à la fois une identité visuelle, un espèce de biome, on va dire, vraiment, qui lui est propre avec ses arbres, ses couleurs, vraiment l'île quand on la voit du dessus, d'ailleurs on la voit jamais du dessus, enfin avant la fin, mais par contre dans la communication du jeu, on nous montrait beaucoup l'île de dessus et on se rendait compte qu'il y avait vraiment toutes ces petites différentes zones comme ça, et chacune des zones a sa petite thématique, même à sa mécanique, quoi. Et l'autre, il y a aussi l'autre règle là où il faut recouvrir, passer par un tracé particulier, celle dans le tuto du tout début, où tu dois recouvrir les points noirs, après tu la retrouves où il y a des points bleus et des points jaunes, et tu dois faire des trucs un peu symétriques, tu sais, quand tu traces d'un côté, ça trace de l'autre, et il faut que tu arrives à tout recouvrir. Ouais, de toute façon, il y a de plus en plus de règles, au bout d'un moment, l'idée c'est de les complexifier au maximum. Et de les mélanger après. Ouais, voilà, et de les mélanger, et de te faire des petits twists, puisque ça c'est son idée. Il y a vraiment un truc très scolaire, hein, dans cette manière d'apprendre, c'est on t'apprend une règle, t'as compris la règle, c'est genre... c'est pas tu me ressors la table de multiplication 3x3, 9, mais c'est etc. Voilà les exercices, c'est, quoi. Par contre, voilà, là tu fais l'exercice et tu te débrouilles. Voilà, tu fais les exercices et après, il y a toujours un moment à chaque fois où Jonathan Blow, là, il s'amuse avec toi et il va casser un truc, il va changer quelque chose dans ta perspective. Alors soit, je sais pas, il va t'enlever la pomme, voilà, typiquement, quand on cherche là, quand on est sur le parcours des arbres dans le verger, il n'y a plus la pomme. Et là, tu fais, qu'est-ce que je fais? Parce que, enfin... Et c'est pourtant tout ce que j'ai fait. À chaque fois, je devais chercher la pomme. Maintenant, elle n'est plus là, la pomme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, dans chacune des zones, à chaque fois, il va se passer quelque chose comme ça. Tu as la zone des couleurs où, à un moment, tu dois appliquer des fils de couleurs et tu es dans une espèce d'ascenseur qui monte. Et à un moment, il y a un câble de l'ascenseur qui n'est plus alimenté, qui est cassé. Et du coup, tu ne peux plus faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire séparer les couleurs parce que tu as besoin du fil de couleurs qui est au-dessus de toi. Et il va falloir que tu changes ta perspective pour arriver à imagine les couleurs si le câble y fonctionnait et que tu te représentes ce que ça donnerait sur le schéma. Exactement. Donc tu fais pas du tout en fait la même chose que tu croyais que tu faisais juste avant. C'est-à-dire qu'avant tu séparais les couleurs en te basant sur les filtres, mais cette fois-ci il faut que tu devines le filtre pour arriver à séparer les couleurs. Et c'est pas facile à verbaliser, à expliquer vraiment concrètement ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, mais à chaque fois il va nous demander de faire une espèce de figure de gymnastique de l'esprit. Et c'est les moments là où tu vas être bloqué, et c'est les moments là où il va justement commencer à faire mijoter, hein, comme s'il commençait à mettre à feu doux sa petite ratatouille, tu sais, qui commence à bouillir, et c'est à ce moment-là qu'il va essayer de te préparer à l'épiphanie. Et il s'est exprimé sur la notion un petit peu de difficulté et de puzzle, où il disait que pour lui, un bon puzzle, c'est pas forcément un puzzle difficile, même s'il y en a dans The Witness. Il y en a. Il y en a, mais pour lui, un puzzle intéressant, ça peut juste être un puzzle où bah tu vas être justement bloqué, il va y avoir cette nouvelle règle, et en général dans The Witness quand t'es bloqué c'est pas un problème vraiment de réalisation, c'est pas vraiment un puzzle où tu vas connaître vraiment la règle et tu vas juste pas y arriver parce que je sais pas, le panel il est trop grand, c'est trop complexe, il y a trop de facteurs, voilà, en général quand t'es bloqué c'est que tu ne sais pas tout à fait, t'as pas encore ton hypothèse justement, et ouais, c'est vraiment un jeu qui te pousse en fait à émettre des hypothèses et à les vérifier. Non, et puis c'est toujours un jeu en fait qui te pousse chaque fois à sortir ta petite zone de confort, c'est à dire que le jeu il t'entraîne à faire des choses, tu dis ouais c'est bon, j'ai compris la règle, y a pas de souci. Et je me souviens là j'ai refait le monastère, donc justement où faut suivre les espèces de branchages, t'as vraiment des branches, tu dois te positionner très particulièrement face au puzzle, et en fait t'as des espèces de petites branches d'arbres qui vont te reproduire un chemin, il faut que tu fasses exactement ce même chemin. Et en fait il y a un moment où il y a une branche qui est cassée, enfin tu peux pas reproduire, tu te mets à perspective, tu fais bah je peux pas continuer la ligne, tu vois. Et si tu restes bloqué vraiment dans cette espèce de perspective, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, alors qu'en fait il faut juste regarder en bas et il y a le petit morceau de la branche qui est cassé et qui continue le chemin, et il faut arriver à le recoller mentalement dans le truc et ça donne le chemin. Et c'est tout le temps ça en fait, c'est tout le temps une petite question de changement de perspective, un petit déclic qui va se passer dans ta tête pour que tu arrives à réaliser le puzzle. Il y a un autre truc intéressant qu'on peut noter avec les armes, c'est que ça fait partie des puzzles qui s'éteignent si on se trompe, ouais. puisque il y a peu de solutions possibles, tu vois, comme on disait, l'arme, parfois t'as juste, je sais pas, 10 branches en fait possibles, et du coup, bah, si tu ne sais pas, tu peux ce qu'on appelle donc le brute force, c'est-à-dire tester toutes les possibilités jusqu'à ce que ça marche. Ouais, t'as des bouts en fait, donc c'est tu ça. Dis, bah voilà. En fait, tu peux tester toutes les possibilités jusqu'à ce que ça marche de façon assez facile, et du coup, entre guillemets, tricher, c'est-à-dire ne pas remplir le contrat avec Blo, c'est-à-dire faire le puzzle sans avoir compris. Et pour vraiment te mettre un bâton dans la roue, il éteint le puzzle si tu te plantes, ce qui fait que tu dois revenir au puzzle d'avant, le recompléter et pour l'aimer. Et du coup, c'est vrai. En fait, si tu devais le faire 10 fois, ce serait trop chiant. En fait. C'est vraiment une façon de dialoguer avec toi. C'est intéressant parce qu'il utilise cette espèce de punition qui peut sembler un peu arbitraire. Tu te dis, bon, bah, pourquoi tu m'éteins l'écran d'avant? Tu vois, j'ai compris, j'ai réussi. Mais c'est une façon de dialoguer, de dire, voilà, réfléchis encore, parce que n'essaie pas de le brute forcer, comme tu dis, parce que tu peux trouver la solution. Si je te l'éteins, c'est pour bien te dire que t'as pas vraiment compris ce qui se passait. Ce qui est très intéressant, c'est que ça a deux effets un peu connexes, en fait, cette idée-là. C'est que d'une, ça va permettre donc de vérifier que t'as bien compris la leçon et que tu vas être capable d'appliquer une règle que t'as appris un peu plus tôt. Et ça permet, en fait, d'éviter la monotonie. Et ça, c'est assez intéressant du point de vue du rythme, parce que quand tu dis aux gens, bon bah là vous avez payé 40 balles pour 500 et quelques... Pour 500 grilles. Pour 500 grilles, et que t'es... Enfin tu vois, c'est comme si t'achetais au début de l'été ton énorme bouquin de Sudoku et que tu te dis, bon je suis à la page 30 sur 420, j'en ai marre, j'arrête. Et là en fait, du coup, cette idée de te casser en fait tes habitudes ponctuellement et vraiment très régulièrement, ça permet d'éviter la lassitude et de te dire, bah plutôt que d'appliquer la même règle 23 fois d'affilée, tu vas l'appliquer que 3 ou 4 fois, et la cinquième fois, il y a une nouvelle règle qui rentre en ligne de compte, et les deux dernières, c'est juste pour vérifier que t'avais bien tout compris au départ. Et du coup, ça marche très très bien. En termes de rythme, ça permet d'éviter vraiment la lassitude, et moi c'est comme ça que j'ai réussi à tenir petit à petit, en me disant bon là j'accroche, t'avances un peu, t'avances petit à petit à différents endroits, tu reviens, et au final bah, tu te rends compte que le puzzle il se construit globalement sur l'île. Le jeu te fait vraiment papillonner, parce que justement comme elle est quand même vaste, et enfin elle est vaste, elle est pas si vaste que ça par rapport à, j'ai pas, des open world qu'on connaît actuellement, mais elle est très dense on va dire cette île, et t'as toujours un truc à faire en fait dessus, a priori il y a toujours quelque chose à faire, surtout que, parce qu'on l'a même pas dit, l'objectif c'est quand même de finir chacune des zones, d'allumer des lasers pour pouvoir ouvrir une porte en haut de la montagne. Ouais. En haut de la montagne. Et en fait, tu peux, je crois qu'il y a 9 lasers alors qu'il en faut que 7, je crois. Non, il y en a 11. Ouais. Ah, il y en a 11. 7 sur 11. Ça, ouais. Il y a 11 zones et tu en as besoin que de 7 pour ouvrir la porte. Donc ça te permet de skip en fait, ou de dire de passer. Tu vois, c'est genre, bah, j'annule ça, je passe pas. Ouais, c'est ça. Tu peux skipper. C'est comme au bac, tu sais, tu dis, bon, je fais l'impasse sur la philo, c'est pas grave, je vais bosser l'histoire. Mais c'est vraiment ça. Les lasers, ils sont CoF2. C'est vraiment ça, effectivement. Ce qui permet du coup, parce que ça il en est conscient, il y a des puzzles qui ne sont pas accessibles à certaines personnes. On parlait des puzzles sur les couleurs et qui ne sont pas réalisables par des personnes qui sont daltoniennes. Et sinon t'as les puzzles avec les sons, et du coup là bah, si t'es malentendant ou non-entendant, bah, c'est aussi difficile voire impossible. Et il le sait. Il l'assume dans le sens où il disait, bah, de toute façon, lui, il avait une idée de puzzle sur le son. Et il disait, voilà, je suis conscient que c'est pas réalisable par certaines personnes, mais bah, c'est une énigme sur le son, en fait. Je ne peux pas la rendre accessible. Il y a des personnes qui pouvaient suggérer, par exemple, de faire du texte, des indices. Il dit, sauf que si je le fais par texte et que ça te donne la solution, il n'y a pas d'intérêt. Il a dit je le fais, mais c'est skippable, c'est-à-dire que tous les puzzles n'ont pas à être faits. Et, du coup, voilà, et fun fact, il a réfléchi quand même, on reviendra un petit peu en détail là-dessus, mais un puzzle environnemental qui serait juste... comment dire, faisable par les percevable, mais visible pour les daltoniens. Il y a dit, il a pensé pendant 2-3 ans, ils ont essayé d'en faire un qui serait que pour des personnes concernées par ça, mais c'est pas possible parce qu'il y a trop, en tout cas pas à ce moment-là pour eux, mais ils ont pas réussi à le faire parce que il y a trop de degrés de variance entre le daltonisme. Voilà, du daltonisme est trop variable. Il y a plusieurs façons d'être daltonien, de ne pas voir les couleurs de la même manière que tout le monde. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont daltoniennes qui ont pu faire les puzzles de couleurs qu'il y a dans le jeu et d'autres qui ne le pouvaient pas. Donc ça dépend du handicap, quoi. Et du coup, il y a que 7 lasers qui sont nécessaires. Il n'y a pas besoin d'avoir les 11, sauf si on est éventuellement chasseur de trophées sur PS4, puisque pour info, sur Steam, en fait, il n'y a que 2 trophées. Oui, tout à fait, 2 succès. Un pour la... Alors, je ne sais plus, ne l'ayant pas fini, je ne sais plus trop, mais t'en as un pour une fin, l'autre pour la vraie fin, ou le challenge, ou le... Ah oui, t'as la zone chronométrée, oui, c'est qui ça, un truc voilà. Un peu à part, on en reparlera sûrement, mais qui a des règles très différentes. C'est ça, Raph, il y a 2 succès sur Steam, et sur PS4 ou Xbox, en fait, t'es obligé d'en mettre un certain nombre, et Bloss, il s'est exprimé sur cette volonté de ne pas en mettre. Il est contre, tu vois, la notion de trophée, puisque pour lui le plaisir, en fait, il doit être intrinsèque. On le disait, le plaisir du jeu, ça doit être la compréhension des puzzles et des puzzles environnementaux. Bref, on va y revenir. Et tout ce qui est trophée, feedback, vraiment, il y a pas de feu d'artifice, tu vois, quand on complète un puzzle. C'est juste, on passe au suivant et c'est bon. Il y a une validation et ça suffit. Il suffit juste que tu saches que t'as validé le puzzle, et pour lui ça suffit. Il y a une certaine austérité du coup dans The Witness quand même, et enfin moi c'est en partie pour ça que je l'ai pas fait, tu vois. Enfin, j'ai joué quelques heures, je me suis baladé, et sauf que je vois les puzzles, j'ai pas envie de les faire. C'est rigolo d'ailleurs parce que tous les trophées sur PS4 je crois sont dorés, c'est-à-dire que chaque laser c'est un trophée doré, et tu sais normalement dans les jeux sur PS4 les trophées dorés c'est vraiment les derniers, tu vois, et là alors que là chacun des machins sont tous dorés. Donc bref, il y a un côté un peu ironique sur le fait que ce soit doré et qui s'en tape en fait complètement de la valeur en fait du trophée. Mais oui, pour revenir effectivement, c'est vrai que c'est, en fait, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est à la fois austère et qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'esthétiquement il est sublime, il est coloré, enfin ouais, et puis il y a une recherche esthétique et voilà, tarée, hein. Il y a pas une zone qui ressemble à l'autre, moi, quoi. Je trouve le choix des couleurs me subjugue à chaque fois que je le vois, quoi, parce que c'est des couleurs qui sont... Elles sont fortes, tu vois, c'est un rose qui est un vrai rose, elles sont toutes saturées, et pourtant elles arrivent à toutes coexister comme ça sur cette espèce d'île, et ça, je trouve ça assez fabuleux. Et vraiment, moi, quand là, j'ai relancé le jeu, j'ai passé un petit peu de temps dedans, et franchement, je suis... Enfin, tu sais, c'est du eye candy, tu vois, à chaque moment, donc c'est pas du tout austère comme environnement, c'est très chatoyant comme île, mais par contre, ouais, comme tu le dis, quand tu résous un puzzle, tu sais, tu le disais quand on le préparait, la seule récompense, c'est de te dire, bah regarde, il y en a 18 autres après, t'es content? Bah ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, tu te dis, bon, bah, tu regardes le fil jusqu'où il va, et là, t'en vois 15 autres. Ouais, loin, ouais. Et t'es là, enfin, surtout, justement, là, la zone de l'acrobranche, moi, qui m'a pris beaucoup de temps à terminer, parce que tu débloques à chaque fois une nouvelle plateforme pour avancer d'une case. Et là, tu regardes, et tu sais, mentalement, tu peux faire le calcul, il t'en reste 8 à parcourir pour arriver à la prochaine maison. Tu vois la taille du truc à dérouler. Tu regardes et tu fais, et là, derrière, il y a 6 autres maisons à faire, et t'es là. Mais au final, c'est pas si grave parce qu'il y a du coup justement une autre couche qui te révèle petit à petit à toi. Mais moi, ça m'a pas gêné cette histoire d'austérité. C'est ça qui est rigolo. C'était plus l'idée de oh, il faut encore que je réfléchisse. Parce que tu vois, moi j'ai réussi à finir le jeu. Alors pourtant, comme Maxime de base, c'était pas du tout ma cam. Moi non plus. Et les jeux de puzzle, j'aime pas ça. Vraiment, moi je stream et ça m'arrive des fois de bloquer sur 2 leviers. Il faut baisser le levier du milieu et lever les 2 du côté. Je peux bloquer une heure dessus parce que j'y arrive pas. Tu vois, ces puzzles là, des fois je bloque complètement. Et bon, bah, The Witness, j'ai réussi parce que justement, il m'apprend. Et j'étais super content parce que c'était la première fois que je ressentais l'idée qu'un jeu de puzzle me disait pas, t'es trop nul, arrête, quitte ce jeu et va faire des roulades au lieu de nous emmerder. Et là, pour une fois, il m'apprenait les règles. Et ça, j'étais super content. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu vois, il me tient par la main. Il y avait un côté un peu éducation, un peu médiation avec moi qui m'a fasciné et qui fait que j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Alors j'ai pas fait le truc challenge timing parce que j'étais pas assez fort pour ça, mais j'ai réussi à aller en haut de la montagne. Je crois que j'avais fait 8 ou 9 lasers sur les 11, donc j'étais plutôt fier de moi. Voilà. Et puis après il y a la montagne, il y a l'intérieur de la montagne, là ça commence à... Là ça rigole plus. Ça commence à s'exciter un petit peu. Moi vraiment, vraiment le jeu, il m'a passionné quand j'étais dedans, je l'adore, mais une fois que je rentre dans la montagne, je commence à en avoir marre. Tu sais, je me souviens des espèces de tableaux où, tu sais, c'est encore l'énigme des couleurs, mais tu sais, la couleur, elle change constamment sur les panneaux. Je sais pas si tu te souviens de ça. Tu sais, ça défile de la couleur, tu sais, ça fait des changements de... Ah, je me rappelle pas de ça. De trucs couleurs, et c'est insupportable. C'est le truc secret ou avec le timer? Non, c'est vraiment pour finir l'intérieur le jeu. Dans, ouais, dans la montagne, pour descendre montagne, tout en fond. Voilà, ensuite, tu descends tout en bas de la montagne et tu as cette espèce t'as des espèces de petite zone. Chemin, ouais, qui se trace sous tes pieds en fonction des puzzles que tu fais. Oh là là, et en fait, moi, à partir de ce moment-là, là, je sentais que le jeu m'avait dit, bah c'est bien, t'as bien compris les règles, maintenant il va falloir réfléchir, Hugo. J'ai fait, oui, c'est maintenant qu'il faut vraiment commencer à faire fonctionner mon cerveau. Et en fait, voilà, juste cette perspective-là, me dire que j'allais pas vraiment découvrir de nouvelles règles, qu'il allait pas vraiment avoir de nouveautés. Il y en a un petit peu, hein, quand même, il y a des perspectives intéressantes et on te montre, je me souviens qu'à un moment, t'arrives vraiment à la moitié de la montagne, tu vois, tu devines une espèce de petit atelier où tu vois, tu sais, un espèce de petit atelier où t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a travaillé et tout, et du coup t'as trop envie de savoir, de dire putain, est-ce que je vais avoir la fucking réponse, tu vois, l'architecte qui t'attend en bas, c'est l'architecte de Matrix, tu vois, mais c'est oui, vraiment non, mais ça, c'est ça, tu t'attendais à ça, la réponse, ouais, quoi. Une salle avec plein de télé et Blo qui te regarde, oui, voilà. C'est vraiment ça, et mais par contre là ça devient vraiment dur, et tu vois, c'est ce qu'il disait sur le côté, il y a des idées, il y a des changements de perspective, ça qui est intéressant, mais à un moment c'est voilà, on va quand même tester ta capacité à prendre en compte tous ces facteurs, et en plus il y a des trucs changeants avec ces couleurs là, ça m'a marqué. Non, moi je sais pas, c'est vraiment la mécanique de base en fait à laquelle j'accroche pas du tout. Autant il y a des jeux de puzzle ou d'énigmes, moi je suis plus déjà jeu d'énigmes, je sais pas, je préfère le côté un peu humain, tu vois, que ce soit dans un Obradin ou un Her Story, je préfère le côté un peu le côté un peu comprendre les gens, ce qu'ils ont fait, tu vois, comment ça fonctionne. Et après, dans les jeux de puzzle, je pense que après c'est beaucoup plus simple, mais un Portal ou sinon dans du plus compliqué, t'as Talos Principle ou même Baba Is You, je trouve que dans les mécaniques il y a quelque chose d'un petit peu plus ludique en fait, tout simplement, de plus intéressant, où tu vas dire ah, il y a des règles un petit peu physiques, ou en tout cas il y a des règles qui vont changer un petit peu ton environnement, ou c'est un peu plus fun dans l'exécution. Ah bah, voilà, c'est sûr, voilà, que enfin, voilà, tu vois, je rigolais The Witness, mais c'est vraiment l'arrière de ta boîte de céréales de quand t'étais petit, et ça s'est très très mal passé et c'est devenu un jeu, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, moi j'adorais ça quand j'étais petit, tu vois, tu faisais les labyrinthes, moi je les faisais évidemment à l'envers. Non, c'est bien sûr, mais t'es trop intelligent d'ailleurs. Et après ça, je faisais des vidéos et j'expliquais aux gens. Oh là là, les origin story de Benoît, tout a commencé. Non, mais ça aurait été trop rigolo. En fait, j'étais avec mon cousin et je lui expliquais comment faire les paquets de céréales, et c'est comme ça que j'ai pris le goût à faire des guides. Non, mais tu sais, c'est un peu le storytelling à la Blo, où comme ouais, par hasard, ma vie explique complètement là où j'en suis aujourd'hui, alors que pas du tout. Mais bon, voilà. Bref, c'est vrai que c'est pas très ludique, c'est pas la mécanique la plus fun. C'est sûr que quand on dit avec le Portal, tu vas te téléporter d'un point à un autre, ou tu vas avoir un liquide qui va te faire courir, mais c'est fun. Il y a un côté ludique. C'est ce côté, ouais, le vertige. Quand tu passes à travers les machins, l'espèce de physique à travers les portails, c'est super rigolo, c'est fun à faire. Il y a un truc très premier degré, alors que là, Jonathan Blow, c'est dernier degré. Hein. C'est vraiment dans le plaisir intrinsèque. Il faut vraiment que tu le cherches au fond de toi et de ton cœur. Oui, il est vraiment dans la réalisation. C'est ouais, ça. C'est, en fait, c'est un jeu qui est très exigeant dans le sens plutôt où il veut vraiment une implication de ta part. Il veut que tu adhères à sa proposition. Et si c'est pas le cas, il y a aucune surcouche. Il y a rien d'autre qui va t'y faire rester en fait. Il ouais, y a si, pas du, y a si pas du bonbon, pas, y a pas du bonbon vidéoludique, tous les trucs qui vont te célébrer. C'est ça. Autant dans nos clips, tu vois, il prenait l'exemple de Peggle, qui est un jeu où tu sais où tu fais tomber la boule et il faut qu'elle tombe au bon endroit. Ouais, t'as zéro contrôle, enfin t'as pas de contrôle sur ce qui se passe. Par contre, à chaque fois que tu le fais, c'est un feu d'artifice. Il y a des gens qui viennent chez toi et des mariachi qui jouent de la musique et tout. Mais c'est vrai que c'est des jeux qui font dans la surenchère, hein, ce qu'on appelle le... Mince, j'ai oublié le nom. Des feedbacks. Ouais, non, mais tu sais, quand c'est les feedbacks, c'est juicy, le juice là, ils vont vraiment très très loin dans ce délire où la moindre petite action elle est récompensée par des tonnes de trucs. Là, t'as juste un petit. Bravo. T'as juste 10 confettis qui sont vomis par le truc et un drapeau cassé qui se lève. Ouais, c'est un peu ça. Et ça, c'est pour les puzzles de base. Mais en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a d'autres puzzles qui sont cachés. Ah bon ? Et mais oui, nous n'avons pas trouvé même le jeu. Mais bien sûr, le jeu va beaucoup plus loin. Et là où c'est marrant, c'est qu'en fait, ces feedbacks-là, ils existent. Il y a vraiment une espèce d'explosion au moment où tu découvres qu'en fait, les puzzles qu'on te met dans la tronche depuis des heures, ils sont cachés absolument partout dans le décor. Et moi, je pense que c'est vraiment à ce moment, le moment vraiment où j'ai découvert qu'il y avait des trucs comme ça cachés dans le décor. Enfin, tu vois, j'ai pris des actions de Jonathan Blow dans la foulée, quoi. J'étais là, genre, j'applaudissais des deux mains parce que je trouvais ça génial. Je me sentais tellement intelligent, alors qu'en fait, l'intégralité du jeu est pensée évidemment pour que tu finisses par le découvrir. Et si jamais tu l'as pas découvert, quand tu arrives en haut de la montagne, il y a un puzzle qui a exactement la même forme que la rivière en contrebas. Et en fait, tu te rends compte que tu peux cliquer sur la rivière et tracé le trait. Et mais c'est à partir de là qu'il y a la maladie The Witness qui s'est déclenchée chez moi. Pour expliquer un petit peu éventuellement pour des personnes qui visualisent pas et qui sont restées, ça a dû être dur. Mais en fait, les puzzles, c'est vraiment des panneaux qu'on voit dans le monde et on peut se mettre un peu en mode entre guillemets photo, c'est-à-dire que l'image un peu se fige et là, on va pouvoir tracer notre ligne en fait dans le cadre. Et on se rend compte que en fait, on n'est pas obligé de faire ça face à des panneaux. On peut le faire face à l'environnement et dans notre environnement. Les arbres, les ombres, les branches, une rivière, enfin plein d'éléments du décor peuvent former en fait les formes géométriques qu'on avait. On peut retrouver ce rond de départ ouais, dans lequel ouais. placer notre curseur et ensuite on va pouvoir tracer une ligne à partir de ce rond. Et il est caché partout. La forme de spermatozoïde que nous allons pouvoir reproduire tout le jour. Écoutez, voilà. Alors Hugo, allongez-vous et racontez-nous pourquoi vous pensez que ce sont des spermatozoïdes. Et en fait, c'est mon père. Et c'était ça l'idée de base en fait de The Witness, oui. Comme il disait, cette fameuse idée de le fait de voir dans ton environnement des tracés et que tu vas reproduire qu'on t'avait appris à voir, quoi. C'est ça, et cette image du mec en haut de la montagne, et là elle y est littéralement, t'es en haut de la montagne, comme tu le disais, t'as un puzzle qui déjà t'interpelle en fait, parce qu'il ne fait rien, c'est juste une ligne, vraiment un rond, et qui monte un peu simple, en zigzagant, ouais. Tu vois. Oui, t'as juste à suivre, y a rien à faire. Voilà, il y a un chemin, tu vois, tu peux rien faire d'autre, et quand tu le fais, il se passe rien, sauf que comme tu le disais, en contrebas, tu regardes la rivière, elle a exactement la même forme, t'as ce rond un peu qui fait pas très naturel, et c'est là que, disons que le jeu peut, à son échelle, en tout cas, dans tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il peut pas être plus explicite en fait. Ouais, de dire, même mettant des néons et des flèches, ouais. Ça aurait pas marché aussi bien. Ouais, c'est clair. Mais malgré tout, c'est quand même fort et ça prouve en fait justement tout le travail qui a eu besoin sur l'esthétique de l'île, parce que tous ces puzzles environnementaux, il y en a des. Honnêtement, je sais pas combien il y en a. Il y en a quasiment autant que des vrais. Je sais juste que j'ai vu plein de piliers dans le jeu qui en étaient remplis et je me suis dit, ok, il y en a autant que ça qui sont planqués dedans. Et en fait, ils ont fait un travail de malade mental, hein, vraiment de perfectionnisme, pour aller planquer tous ces trucs dans l'environnement. Et ils en ont planqué de partout. Donc, t'as cette rivière, mais t'as. Mais c'est un des plus. Mais t'en as partout. Il y en a partout. T'as l'ombre, t'sais, t'as la zone du village, t'as une espèce de petit ponton et en fait quand t'es de loin et que tu passes avec le bateau, en fait l'ombre, il y a un demi-cercle, mais avec l'ombre ça fait un cercle complet et tu peux suivre tout un chemin là, il y a quand t'arrives en haut du château avec les labyrinthes, tu sais en fait l'intégralité des haies que tu as traversé depuis le début, ça, en fait dois, était tu, un tu, chemin tu dois le, oui effectivement, tu et peux, donc tu peux il y en a partout, le chemin de fleurs dans lequel tu avançais avant même d'arriver, c'est pareil, dans les bambous, là où il y a les trucs de son, il y en a partout, il y a pas un seul endroit où il y en a pas, et c'est vraiment très impressionnant, parce que moi je me souviens parfaitement que c'est à ce moment-là où je me suis dit ce jeu est fou, et surtout j'attendais, tu veux, le fameux architecte, parce que à chaque fois que tu réussis un panneau, un truc environnemental, t'as une explosion, un gros pétard qui pète, tu vois des espèces de petites lumières, de particules, une qui petite étoile filante qui va aller se coller justement sur le monolithe, voilà. Et il y a un monolithe par zone avec en forme hexagonale, avec chaque fois la forme que tu as dessinée qui s'allume et donc qui t'indique, du coup tu comprends instantanément combien il en reste, comme des constellations, combien il reste de panneaux environnementaux à découvrir dans la zone dans laquelle tu te trouves, et le jeu en fait, tu sais, d'un moment il y a une espèce de voile qui se lève et tu pensais que t'avais fini, il explose, ce n'est pas ma forme finale, et là boum, Freezer il s'énerve et t'as les cheveux jaunes, quoi. Et du coup là on est sur une deuxième forme d'épiphanie, puisque la première c'était le fait d'être bloqué, de pas forcément comprendre en fait certaines règles des puzzles, et quand on se balade d'un coup ça nous frappe, on se dit ah j'ai pas essayé telle règle, j'ai pas essayé de séparer ceci comme ça et tout, et t'avais cette réalisation, et là c'est quand tu regardes le décor, tu dis ah mais merde, attends, il y a peut-être une forme là, et boum, quand tu la vois, tu as cette épiphanie encore une fois. Puis ce qui est super impressionnant, c'est que c'est pas simplement des tableaux 2D, c'est-à-dire qu'on est sur une île en 3D, et en fait, le placement, ton placement à toi, ainsi que l'endroit, la perspective vers laquelle tu vas regarder, c'est ça qui va déterminer ta capacité à voir tous ces trucs. Il y a les fameux nuages, là, tu peux tracer une ligne avec les nuages, faut qu'il y a... Alors, je sais pas s'il y a plusieurs endroits dans l'île... Non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, où faut justement, t'arrives à te recaler pour que tous les nuages arrivent à former cette forme de spermatozoïde. Et t'as un nuage gris en plus. Il y a un nuage gris que tu dois activer avec un laser. Avec un laser, ouais. Et ça, c'est incroyable, parce que pour arriver, enfin voilà, l'architecture, tu vois, concrètement, c'est pas au poil de cul, c'est à chaque angle, chaque trait que tu peux tracer à partir de ton point de joueur, ça doit t'emmener vers quelque chose. Et moi, ça m'étonne pas que ce soit ça que t'es retenu, parce que on connaît ton amour pour le level design, et je trouve que c'est génial, parce que si vous vous intéressez à la conception d'un niveau, c'est vraiment c'est une leçon. C'est-à-dire le level design, c'est pas simplement des chemins au sol et des pièces, c'est anticiper la caméra du joueur, vers quoi il va regarder, qu'est-ce qu'il est en train de voir à chaque instant du jeu. Et il y a du coup, quand tu commences à réfléchir à ça, tu te rends compte que l'île, il n'y a pas un centimètre carré de cette île qui n'a pas été pensé pour que quand tu regardes d'une certaine manière dans une telle direction, il y ait un truc qui éveille un peu ta curiosité. Et souvent, il y a ce rond qui traîne quelque part et il y a un trait. Et si tu te dis, bah tiens, je vais cliquer au pif, bien souvent, et ça, je trouve ça très fort, c'est que si tu dis, ah, il y a peut-être un truc là, dans 100% des cas, il y a un truc là. Il y en a un puzzle qui est caché. Tu te dis juste, bah, j'ai pas le noir complet. Oui, je suis pas complet. Je suis peut-être pas au bon endroit, mais c'est sûr, il y a quelque chose. Et tu vas toujours trouver à un moment donné, oui, effectivement, il y avait un truc, il y avait un puzzle à cet endroit-là. Et ce qui était super, c'était de. Bah, les gens ont un peu. Du coup, ils se sont mis à voir dans la vraie vie, tu vois, des motifs un petit peu. Dès que t'as une ombre un petit peu étrange, une forme géométrique un petit peu bizarre, ils disent, ah, il y a peut-être un puzzle environnemental, tu vois, dans cette rue de Strasbourg. D'ailleurs, on peut en profiter pour parler donc de la fin alternative, hein, puisque une fois que tu as fini, donc t'es allé jusqu'au bout de la montagne, t'es allé tout au fond, tu arrives dans cette espèce de creek, il reste quelques puzzles à faire autour de pylônes là qui sont encore méga durs, et après tu vas pouvoir monter dans une espèce d'ascenseur qui va te faire virevolter tout autour de l'île, hein, c'est magnifique, allez le voir sur YouTube, hein, vraiment vous allez pouvoir en prendre plein les mirettes, et après bah, ça te ramène au début du jeu, et si tu recommences le jeu, et bah, tu vas pouvoir voir ce fameux motif dans l'environnement, tu vas pouvoir te rendre compte que la porte qui ouvrait vers le reste du jeu, en fait, celle qui ferme le tuto, eh bien, si tu relis le soleil à son grand pylône, eh bien, tu peux faire apparaître une nouvelle porte, et là, tu vas arriver dans une espèce d'autre zone, hein, qui est une zone de l'île, un petit peu, on dirait, un peu une salle, tu sais, les espaces d'aéroport, tu sais, où t'attends entre les l'accueil vols, d'un hôtel, mais c'est voilà. Vrai que ça fait un peu aéroport, ouais. Ça m'a fait un peu penser à ça, et puis tu vas pouvoir t'enfoncer dans ce truc-là, tu vas rentrer dans une espèce de chemin, tu sais, il y a quasiment que du vide, et tu marches sur un chemin, et hop, après, ça se coupe, et tu te réveilles en fait à une vidéo, et c'est bah alors moi je pense que c'est Blo on a l'impression qui se réveille en fait c'est la première personne, il est à la première personne comme s'il était, tu voyais à sa place quoi, comme si t'étais en vue subjective, comme s'il avait un casque VR, et en fait il va se balader dans sa baraque et il va toucher des trucs avec ses mains tu sais, pour essayer de reproduire les formes, bah, justement comme tu dis, dans la réalité quoi. Et c'était marrant de voir, parce que moi comme je disais The Witness, j'ai pas du tout poussé l'expérience, et je voyais des gens tu vois qui s'envoyaient des photos de formes géométriques, et tu sais, c'était un peu la secte des gens qui jouent à The Witness, qui sont impliqués dedans, qui tu sais, tu dis mais pourquoi ils s'envoient des fils électriques, des photos de leurs armes pendant 15 jours 3 semaines, après je les voyais partout là tu vois, ça marche plus, mais à un moment j'en voyais partout. Alors on a en plus, comme on a plein de formes géométriques à Strasbourg avec les églises, les machins, tu peux en voir, on a mis une photo sur le Twitter, non mais il y en a un peu partout, dès que tu voyais des lignes et tu te disais ah mais en fait je peux les relier comme ça, et c'est fascinant parce que le jeu t'a vraiment éduqué, il t'a modulé ton cerveau à ton insu. Alors heureusement ils l'ont pas utilisé ça à des fins nocives, tu vois, ils t'ont pas reprogrammé pour devenir un sleeper agent du KGB, ou alors on n'en sait rien, peut-être dans 10 ans il a pas encore prononcé le mot tu vois, cucurbitacé. Il a ça y est. Mais par contre c'était fascinant parce que du coup le jeu t'obsédait à un point qui dépassait la sphère du jeu lui-même, et c'est toujours intéressant parce que les jeux dont tu peux parler en dehors du jeu et auxquels tu penses quand tu n'y joues plus, en général c'est une réussite, ça veut dire que tu vas y revenir, t'as qu'une envie, c'est de quitter le boulot et de retourner faire ça, et ça marche à fond. Non mais c'est vrai que c'est intéressant ce côté un peu obsessionnel que ça peut déclencher, parce que en plus comme tu peux bloquer dessus mais tu peux continuer à cogiter hors du jeu, enfin ça ne s'arrête jamais, hein, tu peux toujours être dans ton petit bassin. Moi je trouve vraiment que l'île elle a ce côté un peu d'espace intérieur, et en fait je peux y revenir comme ça en un clin d'œil parce que justement je la connais bien, tu vois, c'est un peu c'est encore un de ces Mind Palace, tu vois, un peu à la Sherlock Holmes, tu vois. Et ce qui est cool, c'est, enfin ce qui est intéressant, c'est que comme tu disais, il te renvoie au début du jeu, et même avant la porte du tuto tu peux relier le soleil à la porte, t'as tout juste ce tout premier tunnel le couloir, tu commences, oui, qui est un très noir, voilà, c'est ça. Si tu sors, quand tu sors du tunnel, tu te retournes et tu vois qu'il y a un puzzle, et pour moi il y a aussi cette notion, le jeu te dit bah maintenant tu vois, en fait tu ratais complètement au début de ton expérience, et il t'a fait voir le monde d'une autre façon en fait. Et même le jeu, bah quand tu le recommences depuis le début, c'est bon, ton regard il a changé parce que t'as compris ces nouvelles règles, et après tu les vois partout, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand tu commences à les chasser ces trucs là que t'as bien avancé dans le jeu de base et que tu te mets à les chasser, tu te rends compte que t'es passé à côté de tellement de trucs, et c'est fascinant. Enfin moi j'ai adoré, j'ai bien plus apprécié la chasse des trucs environnementaux que la chasse des puzzles classiques, et surtout voilà, tu prends la mesure en fait du jeu, et tu te dis que les 40€, franchement, hein, les gars, vous avez été relou pour rien. Non mais c'est vrai, parce que quand t'as une densité comme ça en fait de création, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que même le jeu dans sa communication, il ne pouvait de toute façon pas parler de ça, il ne pouvait pas retraduire toute cette densité, toutes ces richesses qui résident dans cette petite île. Et même toi, au bout de 20 heures de jeu, quand tu fais que les puzzles, tu sais pas qu'il y a encore cette espèce encore de couche ludique qui est là, qui est devant tes yeux, qui est caché partout dans le décor. Et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Et ça, c'est bien de le mentionner, parce que Blow, il le disait, c'était un vrai challenge, en fait, à l'époque, de communiquer autour de The Witness, mais sans spoiler, du coup, ça, parce que c'est censé être une vraie réalisation, une vraie épiphanie. C'est une grosse feature du jeu, tu vois. Si tu résous un thème marketing, je sais pas, c'est comme tu disais, tu montrais pas des buzz dans un Bloodborne, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, ou que tu montrais la fin d'un jeu, tu vois, dans le trailer. Alors, il y en a qui le font, hein, coucou From Software, mais c'était quand même très difficile d'un point de vue com de savoir quoi montrer. Ouais. Et du coup, il disait, en fait, quand il montrait un peu les mécaniques de puzzle, il y avait des gens qui posaient la question en commentaire, genre, mais pourquoi je jouerais à un jeu de puzzle, tu vois, quoi. Tu disais, tu parlais de ton carnet de vacances avec l'extension puzzle, et oui, ça peut faire penser un petit peu à ça. Et c'était dur de répondre à cette question, mais comme on l'a déjà dit, il y a eu tout ce travail sur l'île, en fait, qui est censé être, qui peut t'inviter déjà, qui peut déjà te dire, regardez, il y a quand même tout cet espace très beau dans lequel tu peux te balader, et ça motive un petit peu plus. En tant que walking simulator, ouais. Il peut bien fonctionner, tu vois, c'est un jeu où tu peux te prendre plaisir à te balader. Moi, j'adore le calme qu'il y a sur cette île. Alors, je voyais sur le Discord, il y en a pour qui c'était angoissant, que ça pouvait être oppressant. C'est de la solitude, sentir seul. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'y retrouve un espèce de plaisir assez simple. Et franchement, là, j'ai relancé le jeu, j'aurais pu repartir dedans, même si je me suis pris la tête sur certains trucs. Enfin, voilà, il y a un vrai plaisir à parcourir ce qui est rigolo, c'est que d'un point de vue esthétique, ben, en fait, aujourd'hui, tu vois, n'importe quel jeu qui va avoir des couleurs aussi chatoyantes, etc., on va l'associer à The Witness. Ils ont réussi à se démarquer du reste de la concurrence grâce justement à cette identité visuelle qui n'était pas simplement là pour nous attirer l'œil, mais qui était en fait la vraie récompense du jeu. Ouais. Et c'est là, en fait, où vraiment, quand tu commences à te rendre compte que tout le boulot qu'ils ont fait en termes de level design, d'esthétique, d'architecture, était là juste pour donner corps à tous ces puzzles que tu as fait depuis des heures, là, tu te dis, ah ouais, ok, bravo, quoi. Et tu t'assois, tu les applaudis, et tu te dis, ces gens-là, ils savent quand même ce qu'ils font, quoi. Et ils sont pas allés là-dedans... Et c'est pas fini, mais oui, bien sûr. Oh là là. Non, bah, effectivement, one more thing. Il y a encore cette troisième couche. Là, cette fois, c'est pas des puzzles, ça va être simplement des vignettes, des vistas, en fait, des points de vue. On va se placer dans le jeu et on va pouvoir voir des choses, des espèces de figures. Alors, la plus iconique, c'est quand même ces rochers qui se reflètent dans l'eau et qui ensemble forment une femme qui est en train de prier. Hein, c'est ça. Ouais, si tu tournes la tête à 90 degrés, tu retrouves la figure d'une femme en train de prier. Et ça, le jeu aussi. Il en est aussi rempli. Ouais. Il y a plein d'endroits où il y a des perspectives qui vont pouvoir te montrer des espèces de formes, des choses que tu vas pouvoir voir. Il y en a aussi un truc qui est assez simple où tu as une espèce de gigantesque statue d'une meuf qui tend la main. Tu as un autre endroit dans l'île où tu as une toute petite statue qui tend aussi la main vers le haut et la grande, elle tend vers le bas. Et si tu arrives à trouver le bon endroit, tu vois qu'elle cherche à se donner la main parce que sur le jeu des perspectives, avec l'illusion d'optique, ça crée ce genre de moment. Ouais, il y en a tout le temps. Dans le village central, tu as un type qui regarde en l'air et qui a les mains comme ça. Et en fait, assez pieds au niveau de son ombre, il y a des cailloux comme si en fait il était en train de jongler et que il fallait que tu reconstitues l'image. Ouais. Et des comme ça, il y en a partout. La fameuse porte dont on parlait qui était très difficile, elle te mène à une petite salle avec en fait une toute petite fenêtre qui monte sur une toute petite branche. Et la branche, quand tu la regardes d'une certaine manière, il y a en fait le nuage qui forme les feuilles, la canopée de l'arbre. Ouais. Et tu te dis, ah waouh, c'est beau. Ouais, et ça, on fait pas pour moi, je l'interprète aussi un petit peu comme le tuto entre guillemets. Du jeu pour te faire comprendre qu'il y a ça en fait sur l'île, puisque on parlait tout à l'heure des puzzles environnementaux. Quand t'es en haut de la montagne, il y a ce puzzle qui a une forme très simple, tu comprends pas trop, et quand tu regardes la rivière, là tu comprends que tu peux reproduire ces formes là et là t'es dans une salle où il y a juste une fenêtre avec la branche qui superpose le nuage. En fait, on fait pas plus explicite pour te faire comprendre que il y a des choses qui vont superposer et donner un nouveau sens à ce que tu vois. Mais encore une fois, tu peux le louper. Oui, c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau dans le geste, c'est que tu peux toujours le louper. C'est comme cette petite vue aussi, où avec les ombres, tu sais, avec t'as des petites ailettes qui sont sur une rambarde, et si tu te places devant, en fait, tu vas regarder ton ombre et tu vois des petites ailes qui sont dans ton dos. Ça, c'est aussi une image qui a beaucoup tourné. C'est toujours des choses, mais il y a mille raisons de passer à côté, tu vois. C'est quand tu l'as vu, bah oui, tu l'as vu, mais tu peux plein de fois. Et ce qui est marrant, c'est que ça a ce double sens. C'est-à-dire qu'à la fois, tu peux passer à côté, et à la fois, donc le concept des anamorphoses, hein, qui est le mot de ces formes, tu vois, le fameux tu vois un nuage et tu vois un lapin ou un mouton, cette idée que ton cerveau, il arrive à associer une forme compréhensible à quelque chose qui est abstrait, en fait, c'est quelque chose que tu fais naturellement sans t'en rendre compte. Hein. L'exemple le plus connu, un des plus connus dans The Witness, c'est l'arbre tout seul mort au milieu du désert, où en fait, selon comment tu le regardes, ça forme, ça fait des contre-formes, ça s'appelle. de visage. Tu sais, comme vous avez déjà vu le fameux verre qui est dessiné et qui représente deux visages humains qui se font face. Tu peux y voir un verre ou tu peux y voir ça. Spoiler, le logo Carrefour, ça marche tout pareil. c'est le fameux exemple de la contreforme. Et en fait, ça, il y en a partout dans le jeu et ton cerveau va les voir naturellement, mais sans forcément y prêter attention. Parce que, en fait, c'est une mécanique intellectuelle qu'on fait déjà. Quand on voit des nuages, quand on est petit, enfin, moi, j'ai passé des heures dans la bagnole à regarder les nuages et à me dire, oh là, il y a un château, là, il y a un chevalier, là, il y a un machin. Tu t'imagines des trucs, quoi. Non, moi, je me souviens dans les chiottes de la maison. Des anecdotes. Il y avait du carrelage et sur les carrelages, il y avait des espèces de taches un peu. Ouais. Et il y en avait une, c'était un espèce de visage un peu cartoonesque, mais je la voyais à chaque fois, tu vois. Bah, et oui, je ne pouvais pas m'empêcher de l'avoir. Bah, c'est le fameux visage, tu vois, aussi de l'ombre sur Mars. Tu vois, il y a toute une quantité de légendes et un petit peu de folklore qui s'est créé autour de cette ombre, ou qui en réalité, c'est juste une colline. Mais l'ombre fait qu'on a l'impression que c'est un visage qui nous regarde. Alors évidemment, comme c'est sur Mars et que c'est un peu loin, a fait peur. Le visage de Jésus sur un toast aussi. Oui, avec cette fameuse truc. Non, mais voilà, on peut revoir des choses comme ça un peu partout. Et ce qui était intéressant dans The Witness, c'est qu'ils ont volontairement laissé ces choses-là. C'est évident que ça puisse pas être volontaire, à la fois pour t'inspirer et te mettre dans cette espèce d'état d'esprit qui te prépare à être capable de voir après les puzzles environnementaux, mais qui peut aussi servir de simple récompense pour marquer un peu ton exploration. Et ce côté double niveau de quasiment tous les éléments du jeu, je trouve ça encore plus brillant, quoi. Ouais, quand Blo il en parle, tu vois, il dit c'est juste c'est sympa, tu vois, de voir en fait, de quand tu vois justement cette nouvelle perspective ou cette superposition de choses qui obtiennent un nouveau sens. Et il est juste, voilà, il n'y a pas de but, c'est juste c'est cool de voir plaisir, ça. C'est le plaisir de voir en fait la chose, de juste l'apprécier pour ce qu'elle est, d'être là et se dire. Moi, ce que je trouve beau en fait, c'est de me dire, il y a des gens qui ont fait ça en fait pour moi, et en plus, je pouvais vraiment passer à côté. Et je pense que The Witness, c'est le. Enfin, dans le jeu vidéo, il y a plein de choses que plein de gens travaillent sur lesquelles on va pouvoir passer à côté, parce qu'il y a plein de contenu en fait dans les jeux, donc on passe complètement à côté. Mais là, The Witness, c'est un niveau complètement fou, quoi. Il y a un niveau de détail et de perfectionnisme qui est partout. Et ouais, c'est ça qui est beau en fait, je trouve, dans cette île, c'est cette volonté d'avoir mis tout ça là-dedans. Et tu te dis, c'est un projet complètement fou en fait, qui pourrait exister que parce qu'il y a un malade mental qui a décidé de faire ça, quoi. Parce qu'un studio AAA ne se permettrait jamais de faire un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est surtout, c'est quand même quelqu'un qui a eu assez de moyens pour arriver à aboutir sur quelque chose comme ça, sur un espace 3D avec une esthétique qui est quand même assez forte. Et c'est pour ça que je le trouve fort, The Witness, et je le trouve toujours assez unique. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets comme ça qui sont à la fois très très ambitieux, qui ont les moyens de leurs ambitions, mais en plus qui restent quand même en marge et faire quelque chose d'assez unique. Ouais, parce qu'il a réussi à se financer intégralement, donc ça c'était très fort. Un AAA, il va le faire, c'est-à-dire que le coup de l'anamorphose, tu vois, ça va être ce qu'on appelle les fameux, les easter eggs, tu vois, ça va être les petits clins d'œil, les petits trucs cachés, il va y en avoir quelques-uns, c'est plus des petites blagues entre devs, etc. Là, lui, le jeu, il en est rempli. En fait, le jeu intégralement a été pensé, c'est la deuxième ou troisième couche du jeu où tu te dis, ils ont pensé le jeu pour que tu vois tous ces trucs-là. Donc, réussir à faire ça, c'est sûr que personne d'autre n'aurait pu le faire. Et ça, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on a une démarche qui est très artistique, en fait, de l'approche du jeu vidéo. Il se dit, on va aller jusqu'au bout de notre démarche, on va vraiment essayer de pousser à fond une idée pour voir jusqu'où on peut aller, et on va ne faire aucune concession. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à comprendre pour les personnes qui nous écoutent, parce que la concession, c'est pourtant la règle dans le jeu vidéo. C'est la norme. Un jeu, il sort avec la moitié de son contenu qui a été amputé. Ça veut pas dire que le jeu, il est moins bien. C'est juste que les contraintes techniques, humaines, financières, machin, faisaient qu'on ne pouvait pas sortir le jeu dans cet état-là. Je crois qu'il y a beaucoup de jeux dont on a parlé. De toute façon, on a dit qu'à chaque fois, ils avaient réduit le scope par rapport. Tu vois, Firewatch, c'est des gens, on avait dit, ils ont été réalistes. Obradine, c'est pareil, ils voulaient partir sur un méga bateau. Il s'est dit, attends, je suis tout seul, je vais me calmer. Et il y en a plein des jeux qui sont comme ça et qui arrivent à être merveilleux, mais sans aller complètement au bout. Là, The Witness, il a occupé tout l'espace qu'il avait créé dès le début. Parce que ces concessions, elles sont aussi parfois artistiques. Hein, quand tu as un studio qui a investi des dizaines de millions, un éditeur qui a investi des dizaines de millions de dollars, ça vient parfois avec quelques ficelles attachées, comme on dit, comme j'ai traduit de l'anglais. On avait pu parler de BioShock, tu vois, avec un petit peu les petites sœurs ou les fins alternatives. Bon, ça a été modifié. En fait, il y avait une vision de l'auteur qui est Ken Levine. Et 2K, en fait, a un petit peu dit non, parce que. eux vont te pousser à faire des concessions artistiques pour que ça se vende plus, tout ouais. simplement. Et là, dans The Witness, comme on disait, il s'est autofinancé à 100%. L'argent qu'il a emprunté, il aurait pu l'obtenir d'un éditeur, il l'a pas fait parce que ce serait sûrement venu avec un petit peu de des contraintes. C'est ça, là, des conditions qu'il aurait pas accepté. C'est peut-être une question de principe. Voilà, on n'a pas les détails. Hein. Je serais choqué. A priori, éditeur, c'est du principe. Ouais, c'est, je pense. Oui, oui, oui. Je pense. Voilà, lui, il a quand même cette vision de l'indépendance ouais, ouais. avec un grand I qu'il met en avant régulièrement. Mais notez bien que nous, on n'est pas en train de faire un jugement de valeur. On n'est pas en train de dire que le fait de bosser avec un éditeur, c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est juste montrer la différence de ne pas avoir de contraintes et aller au bout de son truc, et surtout avoir les moyens de pouvoir le faire. C'est ça qui est génial, en fait. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a il y a un concours de circonstances qui est assez unique, en fait, dans le jeu vidéo d'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité, justement, qui n'ont pas les 4 millions qui traînent de leur précédent jeu, et en plus, quand même, l'assurance, malgré tout, d'avoir un channel, tu vois, pour promouvoir ton jeu. Et Blow, il l'a déjà, parce que bah, lui-même, il est c'est un petit média, quoi, entre guillemets. Quoi. Et pour en revenir un petit peu sur ce côté jusqu'au boutisme, en tout cas, le fait que l'île, elle soit remplie de tout ça, on peut parler un petit peu juste des thématiques. En fait, c'est vraiment un jeu, en tout cas à mon sens, de Blow, dans le sens où il y a vraiment, il nous communique quelque chose. Comme on le disait, il y a cette notion que la compréhension, c'est la récompense, que t'es capable de résoudre les puzzles, il va t'aider à le faire un petit peu graduellement, il va valider tes acquis de connaissances. Il va te faire comprendre que il faut parfois changer ses perspectives pour mieux comprendre son environnement. On en parlait avec ce que nous on a appelé les cadeaux environnementaux, ou cette notion. Moi, je trouve que c'est un message intéressant, tu vois, de te renvoyer au début de l'île pour qu'ensuite éventuellement tu réalises vraiment qu'il y a des formes dans ton environnement. Il y a ce côté, t'as vu. Avec ce que je t'ai appris depuis le début, en fait, avait, quoi. Voilà, maintenant tu vois le monde différemment. Et ce qui renvoie à ça, c'est tous les audiologues qu'on va un petit peu trouver. Alors nous, on les a pas tous écoutés parce qu'on les a pas tous compris. Ils sont cachés. Ils sont tout petits, extrêmement cachés. Par rapport à ces petites clés USB. Tu appuies sur un petit bouton. Voilà. Il y a des vidéos à trouver également avec une salle de cinéma, avec des conférences, certaines qui durent plus d'une heure. Donc c'est quand même. Enfin, si tu veux t'intéresser au lore, on va dire de The Witness, c'est compliqué. En fait, c'est à la fois que c'est compliqué d'accéder, d'y accéder, parce qu'il faut résoudre pas mal de trucs. Il faut trouver les audiologues et il faut trouver les puzzles qui te donnent accès aux différentes ces vidéos, salles. Faut comprendre les vidéos, parce que malgré tout, c'est des TED Talks en mode un peu hardcore. C'est pas que des TED Talks, il y a un extrait de film, il y a des choses comme ça. Mais c'est des conférences de scientifiques, voilà, des années 70, 80. C'est chez Père, comme on dit chez nous. T'as des audiologues, en fait, t'auras que la citation et l'époque à la fin, mais c'est hors contexte. En fait, début, t'entends juste quelqu'un parler, c'est une citation, et en fait, ça peut autant être de la philosophie asiatique du 7e siècle que Albert Einstein au 20e siècle. Et en fait, quand ça commence, tu sais pas de quel pied tu vas danser, en fait. Et c'est des questionnements métaphysiques ou philosophiques, spirituels, et c'est beaucoup, en fait. Et puis quand t'es en train de penser à tes putains de puzzles, t'es pas du tout forcément dans ce mood là tu vois. Toi, tu viens de résoudre des puzzles, t'es là, t'es attends, l'autre, j'y pense encore. Et là maintenant, t'as et si Dieu me regarde, mais que moi je regarde Dieu d'une certaine façon, est-ce que toi t'es là, t'es mais qu'est-ce que tu me racontes, je peux pas. Les couleurs, du coup, je fais quoi avec les couleurs, moi? Les étoiles, ça veut dire quoi? Non, mais la vie, ok, mais les les Tetris, là, je fais quoi? Einstein. Et c'est vrai que les vidéos, elles sont... Voilà, elles sont... Moi, je les ai pas regardées parce que je trouvais que ça marchait pas, en fait. Ça me cassait le rythme, ça me sortait du truc. Ouais. Malgré tout, c'est sa manière à lui de nous communiquer un message, parce que très clairement, Blow, c'est ça, en fait, ce qu'il incarne, c'est qu'il a une façon d'être, tu vois, il a une éthique, il se tient à son éthique, et en fait, son jeu est l'incarnation de sa façon de penser. Et donc, The Witness, pour lui, c'était naturel dans sa tête qu'à un moment donné, tu te poses une heure devant une vidéo d'un type des années 60 qui te parle de métaphysique, parce que il faut que tu comprennes sa vision des choses. Et donc, ça a donné lieu, en fait, à tout un tas d'interprétations qui sont toutes assez variées et qui sont toutes probablement très valables, puisque le jeu, comme souvent dans ces cas-là, ne nous donne pas de réponse définitive. Moi, il y en a une que j'aime bien, où l'idée, c'est que comme c'est une île qui est reflétée par la surface de l'eau, on est en fait dans une moitié d'un hémisphère de cerveau et que l'autre moitié est reflétée, et que en gros, il y a toute une histoire comme quoi tous les puzzles qu'on réalise, ça serait des petites neurones qu'on va connecter et qu'on recrée en fait le cerveau. Le type qui parlait de ça, en fait, il se basait sur un des ateliers dont tu parles, où en fait il y a beaucoup de dessins des veines du cœur, il y a plein de dessins anatomiques très classiques où on retrouve en fait les formes qu'on réalise tout au long du jeu avec des racines qui ont exactement la même forme, et donc on se dit que ce symbole là pour lui, ou en tout cas pour Blo, il est lié à quelque chose de limite, tu vois, fondamental, justement d'où l'idée de métaphysique. Ce symbole là c'est peut-être un symbole divin, tu vois, c'est en mode un peu plus sérieux business que 42, c'est un peu la même idée, c'est l'idée de retrouver comme ça un symbole, le chiffre 7, tu vois, il y a une symbolique derrière cette forme pour lui qu'il peut associer à des choses très fondamentales de l'existence. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Blo, il a pu se prononcer pendant ses conférences souvent donc à l'encontre de l'industrie AAA, mais beaucoup aussi sur la notion un petit peu de divertissement, où pour lui le jeu vidéo il va s'ériger un petit peu, alors là je suis pas sûr de paraphraser ce qu'il dit, mais en tout cas c'est ce que moi j'en ai perçu, mais cette volonté de vraiment pousser, tu vois, le jeu vidéo en tant qu'art avec vraiment des œuvres qui te font réfléchir, tu vois, qui vont te faire réfléchir sur le monde ou qui vont te le faire voir d'une façon différente. Et du coup, ils pointent du doigt les free-to-play, les MMO, en tout cas ce qu'il va voir. Les challenges, les trophées, PlayStation. Tout ce qui va en fait. Ouais, alors qu'il y joue. Mais tout ce qui va te donner en fait juste de la dopamine simple en fait, lui il va plus être dans une démarche où il dit, et d'ailleurs c'est dans lisez la description sim du jeu, c'est vraiment là pour le coup je paraphrase plus ou moins, là je respecte ce jeu, il respecte votre temps, votre intelligence et donc voilà, c'est un jeu rempli d'idées, sous-entendant c'est pas comme ces petites merdes là, alors que quand même petite anecdote, il y a une des vidéos la plus longue en fait, il y a un moment au début de la vidéo tu peux commencer un puzzle environnemental parce qu'il y a une espèce de sphère à l'intérieur, tu peux la relier au décor et faut t'attendre la fin de la vidéo d'une heure pour pouvoir la relier. C'est vrai. Ah, je savais pas ça. Donc respecte ton temps. Voilà. Et ça c'était le point d'un youtubeur. Je sais plus qui c'est qui avait. Je crois que c'est Joseph Anderson, qui avait fait cette vidéo là et qui faisait remarquer ça à la fin et qui montrait ce paradoxe, genre le jeu qui se dit on respecte ton temps, mais en fait quand même tu dois rester une heure à regarder toute la vidéo. Surtout qu'il nous avait déjà fait le coup du il faut attendre 3 heures dans Braid. Hein. Je vais pas dire exactement dans quelles circonstances, mais il y avait déjà un truc comme ça lié au temps réel Braid qui était impossible à faire si tu le savais après, pas. Après, bon, voilà, si ça fait partie du puzzle et que tu as le plaisir d'avoir regardé ce puzzle toi-même. Non, mais en tout cas, comme on l'a dit, il a sa vision du monde. Moi, la façon dont je vois le truc, c'est que voilà, Blo, il a sa façon de voir le monde où c'est un petit peu, il faut avoir différentes perspectives, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient scientifiques, religieuses. Il y a toutes ces casquettes en fait qui sont valables pour tout simplement comprendre le monde. Il y a toutes ces perspectives. Et il le fait comprendre dans The Witness, il transmet ça dans The Witness en disant on est tous capables en fait de comprendre. Il y a certains audiologues, tu vois, par exemple un mec était dans l'espace qui a vu du coup la Terre, et il disait quelque chose du style, en fait il a un peu il s'est, comment dire, il a dit c'était très humbling, dans le sens où c'est un peu comme ces citations, tu sais, on est sur l'épaule de géant, tu vois, un peu dans le sens où on se repose en fait sur tous nos ancêtres. C'est assez connu que les astronautes ont la Terre en général sont. Alors, tu changes ta perspective. Oui, mais là ce qui est intéressant, je m'explique mal, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'il a pensé à l'humanité en se disant c'est l'humanité qui m'a permis d'être là où je suis maintenant. Oui, et il y avait ce côté un peu, il est un représentant de l'intelligence humaine. Voilà, c'était un petit peu cette idée-là. Et dans différents audiologues ou différentes vidéos, il y a cette notion que. De valorisation de la recherche en fait des chercheurs, des savants qui vont justement se dévouer à cette compréhension du monde. Et Blo, par son game design, il te fait un petit peu ça, il te dit toi aussi tu peux en fait comprendre l'île The Witness, tu peux en changeant tes perspectives voir ces puzzles environnementaux, ces cadeaux environnementaux, et t'en es capable en fait. Et en allant sur l'île de The Witness, pour moi, et quand tu reviens dans le monde normal, justement ces audiologues ou cette vidéo de Blo à la première personne, ces puzzles environnementaux te ramène au monde réel, et du coup les enseignements que t'as tirés de The Witness, tu peux les appliquer à ton monde, et du coup pour moi il y a un peu ce côté où tu passes par le filtre Blo et tu vois le monde un petit peu comme lui. Ouais, ça a été un des trucs qui tournait beaucoup à la sortie du jeu, où justement voilà, il y avait cette mise en avant de la procédure scientifique, tu vois, où tu vas observer le monde, tu vas essayer d'émettre une hypothèse pour le comprendre, et puis tu vas aller la vérifier, et en fait le jeu t'apprend cette mécanique intellectuelle de te dire, je vais regarder quelque chose, je vais essayer de comprendre ce truc là, je vais essayer de le comprendre pour le plaisir de le comprendre, parce que le besoin de comprendre les choses qui nous entourent, c'est quelque chose d'assez humain, d'assez universel, qui nous réunit un petit peu tous. Et à l'inverse, on avait partagé un article là dans la préparation de cette idée de quête de vérité, parce que c'est évidemment la quête de sens, la métaphysique, telle qu'on l'appelle, c'est un truc qui nous anime depuis la nuit des temps, mais à la fois le jeu parle un peu, essaye de certaines manières de mettre en avant le côté un peu vain de cette quête-là, parce que à la fois c'est important de chercher la vérité, mais est-ce qu'on va la trouver? A priori non, je veux dire, ça fait des milliers d'années qu'il y a nos ancêtres qui ont fait la même chose avant nous, et des gens beaucoup plus intelligents que nous qui ont essayé de le faire. Ils, à part 42, ils n'ont pas trouvé grand chose jusqu'à présent, donc est-ce que ça vaut bien le coup de perdre son temps à faire ça? De toute façon, il n'y a pas de réponse à la fin, il n'y a aucune réponse, justement, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... The Witness n'a pas de sens à la fin, ouais. le jeu il ne t'en donne pas, donc effectivement il n'y a pas besoin d'en chercher plus que le plaisir de ce que tu y fais, c'est-à-dire de la récompense intrinsèque de résoudre ces trucs. Et moi ce que j'en tire vraiment à titre personnel, c'est moi je sais que parfois je fais des fixettes et j'ai du mal à parfois à changer de perspective, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans The Witness, c'est de t'entraîner à cette espèce de lâcher prise, en fait, de dire bon bah c'est bon, on a, ok, t'as fixé sur toutes tes règles, ça marche pas en fait, donc juste essaie cherche de lâcher prise, ouais, ouais. Laisse-toi du temps, un truc comme ça. Et je sais que même dans l'écriture de vidéos, de trucs comme ça, c'est un truc parfois je bloque, je fais bon bah tu sais quoi, tant pis, enfin voilà, là ça passe pas, fais d'autres choses et puis tu reviens, ouais. Là et c'est quelque chose, je pense que c'est un des trucs auxquels je me suis raccroché, parce que finalement toutes ces références bibliques, physiques, scientifiques, c'est trop fort pour moi, je suis pas assez intelligent, j'ai pas les clés de, enfin je sais pas si je suis pas assez intelligent, mais j'ai pas les clés de compréhension, ouais, ça me dépasse. Et il y a des choses finalement beaucoup plus simples et plus fondamentales que j'ai trouvées dans le jeu et auxquelles je me suis raccroché, et c'est pour ça que c'est vrai que je l'aime beaucoup. C'est des bonnes pratiques que tu peux adapter dans ta vie au quotidien, ça. Tu vois, c'est tu parles de l'écriture, du coup bon, je peux vous en parler. C'est vrai que moi j'ai eu le coup où bah tu bloques, t'es sur un paragraphe, t'arrives pas à l'écrire, et bah souvent ce que je faisais, c'est je prenais mon vélo, j'allais faire un truc, j'avais ma technique pendant que j'écrivais mon bouquin sur Diablo, ou j'allais au cinéma, tu vois, j'allais voir un film à la con, j'allais voir la dernière comédie qui sortait, et quand je revenais, en général ça repartait et comme en 14. Et justement cette idée de prendre du recul sur tes problèmes pour essayer de les voir et peut-être de les tu vois, de dédramatiser un petit peu la situation pour mieux la résoudre, ben je sais pas si c'est The Witness qui me l'a appris, tu vois, c'est peut-être mais par contre ce qui est sûr, c'est que The Witness te permet de te refaire une espèce de petite piqûre de rappel de hey, au fait, cette façon là de vivre, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas, il y a pas de jugement de valeur, est-ce que c'est la bonne manière de vivre ou pas ta vie d'être humain, mais par contre c'est des bons tips, tu vois, c'est un peu une espèce de life hack de quand tu galères, prends du recul et tu verras, ça se passera mieux. Moi c'est un peu ça que j'en ai retenu, en fait. Et ouais, c'est ce qui en fait un jeu, moi je trouve, tu vois, The Witness, enfin j'aime bien Brett, tu vois, c'est un jeu que j'ai bien aimé, que je trouve super intelligent, mais The Witness, j'ai l'impression que c'est enfin un bloc qui a pu, tu sais, donner complètement naissance à son opus magnum, tu vois, vraiment son truc. Et je suis vraiment, je me demande ce qu'il va faire après. Hein. Alors on sait qu'il est en train de bosser sur autre chose. Je l'attends quand même sur quelque chose de complètement différent, en tout cas sur la forme. Je pense que l'idée de constamment changer ses perspectives, d'avoir un peu ses épiphanies, j'ai du mal à le voir faire quelque chose de complètement différent, mais voilà, très curieux de voir ce qu'il y a à faire. Et surtout, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en deux jeux, il a vraiment su installer son game design, tu vois, sa patte, sa façon de faire du jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas juste un mec qui va critiquer un peu l'industrie AAA en disant ouais, bon, les achievements c'est quand même pas ouf. Non, il va déjà, il a structuré un petit peu ses propos là, qu'on soit d'accord ou pas, tu vois, il a ses opinions un petit peu tranchées, parfois voire un peu péremptoires. Je trouve que le ton est pas toujours hyper. Ah, c'est un mec qui aime la punchline, c'est un tweetos. Non, mais, comme on le disait, la description Steam du jeu, c'est ce jeu respecte votre temps, oui, tu vois, t'es un peu. Ouais, bon. Moi, il a cette position parfois un petit peu provocatrice, mais voilà, c'est mais comme le prix, comme je le disais, tu vois, pour moi c'est une manière de se positionner, encore une fois. Et le truc, c'est que de toute façon il se contente pas juste de dire ça, c'est que derrière il va faire des jeux. Et oui, il y a une vision, oui, il a voulu nous faire vivre des choses, et il a complètement réussi. Moi, n'ayant pas accroché à The Witness, je reconnais le génie du truc, tu vois, je trouve que c'est une œuvre qui est hyper aboutie, qui est hyper intéressante, et j'ai passé beaucoup plus de temps à me renseigner dessus qu'à y jouer, donc... Maxime, il connaît les trucs des audiologues et tout, alors qu'il a pas fait de jeu. Ouais, il connaît mieux que nous, quoi, tu vois. C'est intéressant. Il y avait un truc qui se disait beaucoup à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient le jeu prétentieux, et ça va de pair, en fait, avec sa personnalité. Le truc, c'est qu'effectivement, oui, des fois, il y a effectivement une manière de délivrer son message qui est peut-être effectivement un peu péremptoire, qui prend zéro gant, ça c'est clair qu'il prend pas de gant quand il veut dire ce qu'il pense, il le dit, mais comme il lit la parole aux gestes, enfin aux actes, il y a quelque chose, justement je retrouve ce côté un peu, tu sais, un peu artiste, justement j'aime bien le voir comme un type comme ça qui continue de faire ses trucs, il s'en fout un peu du monde autour, tout ce qu'il fait ça va dans le sens de sa quête personnelle, tu vois, il y a une quête avec un grand cul où il s'est dit ma vie c'est ça, c'est un ça. Indé avec un grand i, il a une quête avec un grand cul. Je ne continuerai pas. Je ne sais pas vers où tu vas. Non, mais je me mets. Bienvenue dans les grosses têtes. Mais voilà, cette démarche d'aller au bout de ses idées et d'incarner les idées et les valeurs qui le font vivre, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a un côté limite ascétique hein, dans sa façon de progresser. Donc je suis évidemment très curieux de voir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, avec deux seuls jeux, la prochaine fois qu'on va entendre parler de Jonathan Blow, je pense que le monde va arrêter de respirer pendant 15 secondes juste pour se dire qu'est-ce qu'il va nous faire ? C'est quoi sa prochaine idée ? C'est quoi son prochain truc ? Parce que clairement, ne serait-ce que tous les gens qui font du jeu vidéo, ben, l'ont classé, qu'ils l'aiment ou pas, ils savent que c'est une personne qui compte et qui pèse. Il nourrit le truc, en fait, vraiment. Il nourrit le paysage vidéoludique. Exactement. Voilà. C'est ce que tu disais, tu sais, il apporte du grain à moudre, donc il va arriver avec sa petite idée. Peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle est pas bonne, peut-être qu'on s'en fout, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va arriver avec quelque chose. Et bah, du coup, qu'est-ce que ça va pouvoir être ? Comment on va voir le jeu vidéo évoluer ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fin d'émission, on se dit, voilà, et le jeu, il a donné naissance à un genre, il y a eu tel jeu. Moi, j'ai aucun jeu qui me fait penser à The Witness. Je sais que des gens vont dire, mais si, Talos Principle. Non, non. Non, ouais, moi, je suis pas. Renseignez-vous sur la partie philosophique de Talos Principle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils essayent de faire avec The Witness. Et oui, c'est des jeux de puzzle. Mais voilà, c'est comme dire que Portal, c'est aussi proche que d'un FPS, tu vois, tout simplement, parce que c'est la première personne. C'est des jeux très différents. The Witness, pour moi, c'est vraiment un truc unique, une œuvre à part. Et bah, du coup, est-ce qu'ils vont réussir à nouveau à, tu vois, à transformer l'essai ? Braid, on pouvait se dire, bon, bah, c'était cool, ça marchait bien. The Witness, oui, on y arrive. Et en plus, on a le blé pour le faire tout ce qu'on veut. C'est quoi la suite ? Donc je suis très curieux de savoir ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, tu vois, des vrais indés. En fait, c'est aussi ça, que ce soit alors une personne comme Blow, parce que il y a un studio hein, derrière. On l'a dit, il y a une dizaine de personnes, mais c'est surtout sur la partie environnementale qui se sont exprimés, parce que ça reste quand même un jeu complètement de Blow, comme on l'a dit. Il y a sa vision du monde. Mais c'est important d'avoir des personnes comme ça, ou sinon des studios. Tu peux aussi avoir des studios qui vont juste faire sortir un jeu qui est très marqué et très intéressant. Parce que comme on le disait, tu peux avoir des pressions financières, du coup, des concessions artistiques qui sont à côté, ou des contraintes de temps. Mais en attendant, quand il y a ce budget, il y a ce temps, il y a cette liberté artistique, bah, t'as des jeux comme The Witness qui vont défricher justement les expériences que tu peux avoir. Oui, voilà, c'est un studio, c'est un peu comme Playdead, tu vois. T'as l'impression que maintenant ils font leur truc et ils en ont rien à foutre. Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que entre Limbo et Inside, bah, t'as quand même un bon, même si c'est peut-être pas autant qu'entre Braid et The Witness, mais tu vois, voilà, c'est vraiment des studios qui ont leur façon de faire les choses. Alors, bon, le mec de Playdead, il communique beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que Jonathan Blow. Mais voilà, il y en a quelques-uns dans l'industrie qu'on réussit à se placer comme ça, et voilà, c'est des gens qui comptent en fait, tout simplement, dans créativement, c'est des gens qui comptent dans l'industrie, quoi. Qu'on soit d'accord ou pas en fait avec ce qu'il dit ou la façon dont il le dit, les jeux en eux-mêmes, tu vois, moi je les trouve pas condescendants ou élitistes ou quoi, tu vois, le jeu en lui-même, The Witness, bah je trouve qu'il fait du bien en fait aux jeux vidéo. Ouais, moi ce que je me disais, c'est que si dans 50 ans le jeu vidéo et l'humanité existent encore, tu vois, on regardera ces jeux-là comme effectivement les classiques, tu vois, comme les bouquins, comme les films, tu vois, comme les Tarkovsky, les machins, tous ces auteurs-là, tous ces grands réalisateurs, tu vois, dont on ressort les noms, etc., qu'on fait avancer le cinéma dans une certaine direction, qui sont amusés à expérimenter avec le médium. Il y a un côté assez expérimental, tu vois, vraiment au sens artistique du terme de The Witness, où il va jouer avec la forme, il va jouer avec notre perspective, il va jouer avec les caméras. Et donc moi je le vois continuer en fait dans cette idée-là, de continuer de chercher, de chercher à gratter en voyant jusqu'où on peut aller avec ce média-là. En plus c'est un jeu, c'est assez marrant parce que cette île, elle est vraiment hors du temps, et le jeu, je pense que des jeux qui vont bien vieillir, je pense que The Witness, tu vois, on est très très haut, parce que enfin, je pense qu'on pourrait y jouer dans 20 ans, il y aura pas de problème, parce que esthétiquement, en fait, ont été très malins, tu vois. Ouais, le Lopoli, ça vieillit bien. Hein. Voilà, c'est ça. Ces couleurs, elles fonctionneront toujours autant. Ils ont fait tout un petit travail artistique sur les textures aussi, pour pas qu'elles soient trop poussées, qu'elles soient trop embêtantes. Ils voulaient, Blow, il le raconte, ils voulaient éviter le bruit visuel. C'est-à-dire qu'ils ont mis, tu sais, c'est comme s'ils avaient une espèce de petit potard, tu vois, pour régler le volume, et ils ont trouvé le bon équilibre entre le détail, parce qu'il y a quand même de la texture, hein, les pierres, tu les ressens quand même, mais c'est pas surchargé comme pourrait l'être un jeu qui a des ambitions photoréalistes. Et voilà, ils ont trouvé un bon équilibre, un équilibre intéressant, tu vois, sur l'esthétique, qui fait que je pense que le jeu pourra être vraiment appréciable très très très longtemps après sa sortie, quoi. Ça dépend, hein, quand The Witness 2 sortira. Ah, The Witness 2. Avec les DLC, avec les extensions, les microtransactions. Il sera à 120 balles. Hein. Il y aura un mode zombie. Un mode avec Battle Royale. Un Battle Royale sur The Witness. Non mais voilà, c'est un jeu vraiment très important. Je pense que ça fait partie de ces jeux piliers dont on a parlé un peu dans l'émission. Et moi je trouve ça cool parce que, tu vois, on en est à l'épisode 27, et je trouve ça cool qu'on arrive comme ça maintenant à sortir du lot des jeux qui sont vraiment super charnières dans l'histoire du jeu vidéo. Et du coup, voilà, vu qu'on est entre nous, je peux vous le dire, mais ça me fait vraiment plaisir d'être dans cette émission et de me dire, on arrive à comme ça un peu, nous aussi, chercher comme ça les grands moments du jeu vidéo. Et ça me fait plaisir de prendre du temps pour y revenir. Ouais, et puis voilà, quand même valoriser des grandes réussites. Enfin voilà, je reviens sur le level design, mais moi je suis. Ah bah c'est le champ. Je n'en peux plus. Non mais vraiment, tu vois, on a parlé il y a pas longtemps de Outer Wilds. Et voilà, je mets The Witness au-dessus, tu vois, en termes d'achievement, mais franchement, Outer Wilds, c'est pareil, tu vois, c'est des jeux... C'est aussi un jeu qui a mis 7 ans à exister, hein, qui a mis vraiment du temps, parce qu'il y a ce raffinement, en fait, de la forme, et dans The Witness, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gameplay, il n'y a pas des ennemis qui vont faire des trucs, qui ont des patterns, il n'y a pas une gestion de l'animation, de trucs comme ça. Toutes ces sciences du jeu vidéo, tous ces arts du jeu vidéo, qui sont hyper importants et qui sont hyper plaisants à retrouver dans d'autres œuvres, là, elles ne sont pas là. Mais par contre, voilà, sur la science du level design, de l'environnement, de l'architecture, voilà, il y a un truc complètement fou. Et encore une fois, et c'est important, c'est le fait de faire venir des gens qui ne sont pas du jeu vidéo dessus, ça montre à quel point on peut step up, tu vois, on peut monter le niveau en faisant venir des architectes, des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, ils vont pouvoir apporter leur bagage. Et bah, il y a une différence, tu vois, il y a un monde entre The Witness, tu vois, je peux dire beaucoup de bien d'un RE2, du commissariat et tout, trouver c'est fabuleux, patati, mais en vrai, voilà, comparé formellement à ce que fait The Witness, tu sens qu'il y a un niveau au-dessus, quoi. Donc voilà, je veux vraiment mettre du respect sur son nom, comme on dit dans le Peura, voilà, il faut le faire, quoi. Bah voilà, donc c'était The Witness, hein. Je pense que c'est un jeu, je pense qu'il nous a tous marqué, même Max. Non mais c'est marrant, quasiment pas fait. T'as joué combien de temps Alors j'ai fait un laser, je crois. Un laser, ah, c'est pas un mal, laser. Non, c'est pas mal. Je me suis baladé, j'ai fait voilà. je me suis baladé, j'ai fait non, ça j'ai pas envie de le faire, ça j'ai pas envie de le faire, ça non plus. Mais bon, c'est bien parce qu'il y a ce côté un peu à la carte finalement, parce que je pense que c'est ça qui est fabuleux, c'est que même si tu le finis pas le jeu, c'est-à-dire que même si tu vas pas jusqu'au bout, même si tu te prends pas la tête sur les fameuses épreuves de l'enfer là, qui sont timées aléatoires, tu peux aller y piocher des choses, parce que justement il y a tellement de choses incroyables dedans que même si tu vas t'y balader 1h30, 2h, franchement ça vaut le coup, parce que tu vas avoir des trucs qui sont chouettes à plein de niveaux de lecture. En fait, tu peux t'amuser à voir comment il t'apprend des trucs, tu peux simplement t'amuser à voir comment l'île elle est foutue esthétiquement. Il y a plein de degrés en fait d'appréciation de ce jeu, et c'est la marque des plus grands jeux, tout simplement, hein, je le crois. De toute façon, comme je disais, je suis juste content que ce jeu il existe, parce que le si on veut que le jeu vidéo soit riche, je pense qu'on a peut-être déjà parlé pour Gnome, ça me dit quelque chose, mais c'est possible, hein, parfois ouais. On a du lore, hein, nous aussi, hein, ouais, on a ouais, des cycles, on se répète un peu, on radote paysage vidéoludique. Mais cette notion que pour moi, tu vois, si le jeu vidéo il est riche, ça veut dire que forcément il y aura des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne sont pas pour moi, mais juste le fait de les comprendre et de dire ah ok, ça existe comme expérience, c'est fait comme ci, c'est fait comme ça, ok bah très bien, en fait je suis content, voilà, tant mieux. Voilà. Bah voilà, merci, on est content que ça existe, ouais, voilà, vraiment, on va terminer là-dessus. C'est ma note. C'est content sur 10. Voilà. Et bien écoutez, moi aussi je suis très content qu'on existe, messieurs, je suis content qu'on ait terminé cet épisode. Ça n'a pas été facile au début, hein. on a dû retourner à plusieurs fois, on a dû éprouver, on a dû avoir l'épiphanie avant de pouvoir faire cet épisode. Je vous remercie, messieurs, pour ce moment. On remercie une nouvelle fois Third Edition pour leur soutien, pour leur confiance. Allez voir les soldes, il y a plein de livres super intéressants que vous pouvez lire pour moins cher que d'habitude. Et c'est ça qui est bien avec les soldes. Et puis, rejoignez-nous sur Patreon, sur Discord, venez papoter sur le channel pour découvrir les prochains jeux dont on va parler dans Fin du Game. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Hein. C'est bon, il n'y a pas de lézard. C'est bon, dans 2 semaines. Ouais, pas de report, c'est bon. Et c'est quoi la chanson de Bruel, rendez-vous, même heure, même port, c'est ça? Dans 10 ans. Dans 10 ans, nous, c'est dans 2 semaines. Voilà, voilà. C'est quand même mieux. Beau. C'est quand même mieux, Patrick Bruel. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut. Ciao. Ciao.